J'aimerais bien savoir si est-ce que nous sommes nés avec ce don ou ce pouvoir, ou est-ce que c'est inné dès la naissance, ou bien est-ce que ça s'apprend, ou quelques-uns en ont, quelques autres en ont pas. Bon, on va commencer avec le don. Le don, c'est un phénomène intéressant qui provient de la médiocrité dans la conscience de l'homme qui s'illusionne continuellement que tout ce qu'il a apparemment à développer ou tout ce qu'il a comme qualité qui est un peu différent des autres, il pense toujours que lui étant un tas de boue, nécessairement c'est parce qu'une entité supérieure le lui a donné. Et on peut poser la question, pourquoi que ceux qui sont souvent... Enfin, il y a un paquet de gens qui ont apparemment des dons et qui ne sont pas les plus fins finaux sur la planète, qui ne sont pas les mieux placés. Et rarement, les personnes qui devraient avoir les dons les ont. Et souvent, ceux qui ne devraient pas, enfin, ceux qui n'en ont pas besoin, les ont. Alors, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, premièrement, la télépathie, ce n'est pas un don. C'est comme si on se demandait si la vue, c'était un don. La vue, ça procède d'une mécanicité génétique, d'une mécanicité évolutive reliée à l'évolution darwinienne. Et la faculté d'interpréter avec le langage visuel au niveau de l'âme provient d'une évolution améliorative, celle de l'homme. Télépathie, ça ne peut pas être un don. Certaines personnes, on peut dire certaines personnes l'ont, d'autres ne l'ont pas. Eh oui. Certaines personnes n'ont pas la faculté ou la facilité encore de s'en rendre compte. Puis d'autres, ben, s'en sont rendus compte. Mais n'importe quel être humain peut respirer, peut aussi être télépathe. Il est bien évident que s'il y a certaines tares au niveau du système neuronique ou au niveau du système cardiaque, pardon, la télépathie chez un humain peut lui être interdite. Comme on peut avoir une personne qui n'entend pas, une personne qui ne voit pas ou une personne qui ne parle pas. Mais il n'est pas question de don. De pouvoir. Le pouvoir est un terme intéressant qui provient de la puissance transmise par l'ego sur autrui. C'est-à-dire, le pouvoir, c'est égal, c'est le synonyme de la faculté d'assujettir autrui à soi. C'est le pouvoir, c'est lorsqu'on est meilleur qu'autrui et qu'on peut manipuler autrui. Et c'est pas quoi on parle, d'avoir le pouvoir au niveau des élections, pouvoir, les pouvoirs occultes, où je peux faire de la sorcellerie, je peux obliger quelqu'un à m'aimer, ou je peux faire ceci ou faire cela. La télépathie, ce n'est pas un pouvoir, c'est-à-dire que ça ne permet pas à un humain, enfin, ça ne devrait pas permettre à un humain de se sentir supérieur à autrui émotivement. Parce que nécessairement, on a encore un autre moyen de travailler contre l'homme. Alors, la télépathie, est-ce que c'est un don ou un pouvoir? Ce n'est pas un don, puis un pouvoir, l'humain peut en faire un pouvoir comme l'humain peut en faire un outil. Ça dépend encore une fois de l'humain. Ce n'est pas le problème de la télépathie. Est-ce que ça se développe? À moins de tares génétiques, on peut développer la faculté de prendre conscience qu'on peut être télépathe. La télépathie elle-même va donc apparemment se développer dans la faculté qu'aura l'humain de découvrir qu'effectivement il est télépathe. Alors pourquoi est-ce qu'il y a tellement peu de gens qui sont capables de communiquer avec une autre personne pour une vue télépathique? Pourquoi est-ce que c'est tellement rare ces gens-là? Dans la nature cosmogonique de la planète Terre, tout tend vers le repos. Autrement dit, tout tend à développer la paresse. Avant, l'homme marchait. Dans certains pays, on marche encore 3, 4, 5, 6 jours juste pour assister à une fête. Pas nécessairement une fête religieuse, pour aller voir un match de soccer. Bon. Aujourd'hui, ben, on peut prendre l'automobile, faire deux coins de rue, aller sa lettre, revenir en automobile dans son garage. Bon. Alors, l'être humain peut être télépathe, mais c'est plus plaisant d'utiliser l'expression de l'orgueil de l'homme, c'est-à-dire la science. La science, elle est utile à l'homme, mais bien souvent, la science peut être envenimée par l'orgueil de l'homme, c'est-à-dire que l'humain s'en remet de plus en plus aux ordinateurs ou aux calculatrices pour pouvoir légiférer des choses, alors que l'humain a la faculté de faire ces choses-là, mais de plus en plus, l'humain va perdre cette faculté de légiférer sur certaines conditions événementielles, sur sa vie, sur des événements particuliers de sa vie, sur des décisions qu'il devrait prendre ou ne pas prendre, parce qu'il va s'en remettre de plus en plus à la logistique mécanique ou électronique, celle de l'ordinateur. Alors, l'être humain pouvait être télépathe tant qu'il n'avait pas la faculté de ne pas être télépathe, c'est-à-dire tant que le téléphone n'était pas existentiel, tant que de plus en plus on n'avait pas une accélération au niveau de la communication par le biais de la matière. Alors avant, on tournait le cadran, puis on devait attendre, mais on n'attendait pas. C'était rapide, comparativement au courrier ou à la poste, c'était rapide. Mais ce fut pas long que tabarnouche, tu l'aides à revenir. Et alors, on a inventé le pitonneux. Le pitonneux, c'est rapide. Là. Je me rappelle, j'étais jeune, on a eu un téléphone à piton comme ça. Un de mes amis était là, et puis j'appelle chez un autre ami, et je fais... Là, il me dit, bien, pas vite de même. Mais aujourd'hui, il faut... Clic, puis il signale seul. Parce que sinon, tabarnouche, tu sais, c'est... Bon, puis composition du dernier numéro, bien vite, c'est composition des 300 derniers numéros. Et prochainement, ça sera encore trop lent. C'est correct. Plus l'humanité est en phase mutative, plus le cerveau de l'homme mute, parce qu'il y a une mutation génétique, neuronique, endocrinienne et évidemment psychologique. Plus le cerveau de l'homme mute, plus la conduction entre les neurones est accélérée. Et antiquement, une conduction cérébrale passait par quelques milliers de neurones avant d'arriver à une réponse. Et la mutation fait que de plus en plus, le chemin est court entre le début de la dépolarisation aller jusqu'à l'action. Cela permet à l'humain d'être plus rapide au niveau de la tête. Parce que cela n'est pas encore, disons, assagi chez l'homme, parce que l'ego transforme cela en pouvoir, plus il peut agir vite, plus il manquera de temps. Parce que finalement, sa possibilité cérébrale ira plus vite dans le plan mental que les possibilités de la matière dans le plan de la matière, ce qui fait que plus il aura la possibilité de gagner du temps, plus l'homme trouvera qu'il manque de temps. Et nécessairement, il voudra accélérer le temps de la matière, ce qui va l'obliger à ne plus être assujetti à attendre que le cadran revienne dans ce téléphone, ne plus être assujetti à pitonner des numéros que tu pitonnes régulièrement. Tu regardes, tu écris machin, tu pèses dessus, puis tu oublies tout. D'augmenter les limites de vitesse, enfin bref, d'accélérer. Et ça, c'est conditionnel de la mutation neuronique de l'homme. Soit dit en passant, dans les pays sous-développés, où il y a des races physiques qui ne vivent pas encore cette mutation, à bien des endroits, le tam-tam est encore suffisamment rapide. Ou les messages par porteur. Bon, j'étais dans les places, moi, où la poste, tu l'as mal quand tu arrives, et puis un mois après, tu arrives chez vous, puis deux semaines après, tu reçois ta lettre. Parce que c'est à dos d'âne ou à dos de lama ou à dos d'animal que va se faire une grande partie du trajet avant d'arriver dans des régions où on pourra le faire par TAPQ, ce sont des autobus, et puis par la suite par avion. Bon. Alors, la télépathie, elle est difficile à développer dans les contextes actuels parce que l'homme ne veut pas prendre, l'homme n'arrive pas à se discipliner pour développer des mécanicités chez lui. Il y a deux façons d'écouter dans la forêt les bruits. Il y a celle où l'humain se met en état d'attention et il goûte. Et il y a le petit gadget RadioShack que tu te mets des écouteurs et tu amplifies les sons. Bon. Et évidemment, si quelqu'un arrive à côté et te dit « Allô », tu amplifies le son. Et tu risques d'avoir les oreilles grosses comme ça. Alors, il y a donc deux façons. Il y a la façon où de plus en plus, toi, tu t'effoires. Sortir dehors, écouter les oiseaux, puis aujourd'hui, tu mets la cassette d'oiseaux et tu écoutes ça dans ton salon. C'est simple et logique. En plus, qu'il pleuve pas, les sons sont plus clairs, mais faux. Mais c'est pas grave. Bon. Alors, l'homme qui veut développer ce phénomène de la télépathie, et pour le développer, il faudrait peut-être qu'il ait une raison intelligente. Est-ce que ça peut servir à quelque chose d'être télépathe? Un jour, je donnais un séminaire sur le voyage astral et la majorité des personnes s'étaient inscrites dans le but, pas avoué, mais de pouvoir aller dans les camps de nudistes encore physiques, de pouvoir aller voir le voisin dans le chambre de bain, bon, de pouvoir faire des choses comme ça. Et évidemment, étant donné qu'il y a trop d'émotions dans le phénomène, tu n'y arrives pas à faire d'extra-conscientisation astrale. La télépathie, à quoi ça peut servir? Faire savoir ce que l'autre pense. Ça, c'est de la téléphatie. Et savoir ce que l'autre pense, télépathie, c'est de la télépathie inconsciente. Et ça existe déjà. Et c'est un gros danger pour l'homme, parce que à l'insu de l'homme, ça assujettit l'homme à l'opinion collective de la masse. Continuellement. On dit souvent que les sages se développent seuls. Ils vivent retirés. et ils sont loin d'être assujettissables, comme la collectivité, à l'opinion consciente ou inconsciente des masses. Alors, ils développent une opinion personnelle ou individualisée qui nous fait plaisir lorsqu'on la découvre. Lorsqu'on jase avec cette vieille bonne femme ou ce vieux bonhomme qui vit dans le fin fond du bois retiré, ou si on va aux Indes ou à Katmandou, au Népal, ou si on va au Tibet, rencontrer des personnes qui vivent dans des ashrams plus ou moins retirés, eh bien encore, on a une gustation nouvelle de la vérité. Pourquoi? Parce qu'on a une personne qui colore la réalité d'une façon plus individuelle. Alors, la télépathie, si c'est vouloir aller dans la tête d'autrui, c'est compliqué. Ma fille, elle me dit souvent, quand je lui dis c'est pas vrai, elle me dit, ben, regarde dans ma tête. Quand ça me tente pas, je lui réponds, ben, je regarde, je vois plein de cochonneries. J'aime autant pas fouiller plus. Bon. Mais, effectivement, c'est facile de savoir si un enfant te dit la vérité ou non. Avec ma fille, disons qu'il y a une espèce d'accréditation. C'est de la télépathie, non pas de la téléphatie. Pourquoi le mot téléphatie? Parce que quand j'étais jeune, j'avais 8-9 ans, j'étais en train d'écrire un texte avec mes petits amis, n'est-ce pas? Et sur télépathie, puis on a fait une faute d'orthographe, on a mis le H après le P, ça donnait téléphatie. Et ce qu'on voulait travailler, c'était la manipulation des individus. Tu regardes quelqu'un, tu le fais tomber, l'hiver, là. J'avais 8-9 ans, c'était même année comique. Et le terme télépathie est resté, et par la suite, on a remis télépathie après avoir corrigé, et on a gardé télépathie pour désigner la télépathie inconsciente. Alors, on peut donc peut-être conserver ce terme, quoique étymologiquement, il ne définit pas ce que télépathie voudrait dire, mais c'est intéressant d'avoir un terme qui quand même nuancie un peu la télépathie consciente entre deux êtres humains et la télépathie inconsciente d'un humain à un conscient ou entre deux êtres humains inconscients. Je commence à avoir peur de quelque chose, je commence à avoir peur aussi. Télépathie. Tu es assujetti à moi. Je suis assujetti à toi. Plus tu as peur, plus j'ai peur. Plus j'ai peur, plus tu as peur. Et bref, plus on a peur, plus on a peur. Mais ça ne permet pas à l'humain d'être son seul maître. Ça ne permet pas à l'humain d'être individuel dans son évolution ou dans sa conscience. Télépathie. Alors, on doit avoir une raison intelligente de vouloir être télépathe. La première raison, sauver du temps. Oui. La deuxième raison, créer une logistique de rendez-vous. Et ça, il y a quelques hommes d'affaires qui visent déjà ce genre de choses. Ou ils vont quelque part, l'autre arrive, ah ben maudit, j'avais justement parlé, l'autre arrive, ben maudit, c'est parfait. Il manque un, ah ben tiens, le v'là, bon, c'est tout le hasard, ce n'est pas le hasard. La télépathie, elle ne se fait pas comme on peut le penser. Il y a différents niveaux de télépathie. Il y a une télépathie qui est biologique, c'est la plus facile à développer. Tu aimes quelqu'un, tu es relié dans le monde de la mort, dans les plans astraux, dans les plans émotifs, à cet individu. Plus tu seras relié, plus il sera facile de te mettre en communication télépathique avec. Je te donne une claque en pleine face suffisamment fort pour te faire faire deux tours, et le contact risque d'être établi. Alors, on a la mère qui saura qu'il arrive quelque chose à l'enfant, un accident. On a les deux jumeaux qui vont entrer en contact télépathique si l'autre lui arrive quelque chose physiquement, souvent. Tu casses une jambe, l'autre le sait. Tu déboules un escalier, tu es en contact télépathique avec l'autre. Télépathie d'ordre physique, c'est-à-dire que la douleur physique va engendrer une résonance au niveau de l'ego, au niveau de l'âme, tellement puissante qu'elle va... Bon, juste pour ceux qui ne savent peut-être pas encore de quelle façon est constituée une âme, très très brièvement, parce que j'en ai parlé en masse dans différentes conférences, il y a l'ego qui va être l'accumulation massive des mémoires engendrant l'identification, le je ou le moi. Il y a les mémoires volatiles, l'expérience qui est connue de l'ego mais qui ne crée pas la personnalité de l'ego ou l'identité dans l'ego. Et il y a une enveloppe qui permet à deux âmes de se coller ensemble sans être intermêlées. Une enveloppe qui peut porter le nom de périsprit, qui est un corps séraphique, créé d'énergie vitale. Lorsque l'ego émet une vibration, c'est-à-dire que lorsque l'ego, par le biais d'une mécanicité, l'interpréteur actionnel, découvre le corps physique, une douleur, un accident, il y a une vibration qui est créée par le périsprit dans les mémoires volatiles et qui vient créer une émotion au niveau de l'ego. Si celle-ci est tellement puissante, elle va vibrer à un point tel qu'elle va engendrer une vibration qui vont faire vibrer le péristrie, qui lui est en relation avec le monde de la mort, donc le monde astral, le ciel. Et il y aura une correspondance vibratoire qui sera créée dans le monde de la mort. Et parce que l'ego est intimement, affectivement, émotivement relié à l'autre, elle ira le chercher, elle pénétrera, elle touchera sur le périsprit de la personne à télépathiser. Pardon. Elle va engendrer sur le périsprit la même vibration qui va vivre sa correspondance dans l'âme et l'ego sera au courant. Je sors de temps en temps des termes intéressants comme interpréteur actionnel, corps séraphique, etc. Les personnes qui viennent pour la première, deux ou troisième fois trouvent le langage un peu compliqué. Mais ça vient assez rapidement après quelques conférences. Ou bien on pose les questions à l'entraque, qu'est-ce que vous voulez dire par ceci ou par cela, et puis là je pourrais expliciter un peu plus. C'est important d'avoir un langage clair, parce que si on n'a pas un langage plus spécifique, on ne peut pas communiquer convenablement certaines choses. En médecine, on a le langage de la médecine. En droit, on a le langage du droit. En psychologie, le langage de la psychologie. En mécanique, le langage de la mécanique. En psychologie avancée ou psychologie nouvelle, ou appelons ça comme on voudra, on a le langage que moi aussi je peux employer. Et la deuxième raison de devenir télépathe est justement de ne plus avoir besoin de ce foutu langage qui doit de plus en plus être ajusté. Parce que si je dis Dieu est mon père, eh bien, pour un Krishna, il va répondre oui, c'est évident. Le témoin de Jéhovah peut dire qu'est-ce qu'il entend par là? Ils vont rajouter ouais, mais c'est notre père à nous autres aussi, de peur que ce soit le mien. Alors, si je dis mon père physique est mon père, ben c'est plus clair. Si je dis l'intelligence supramentale, qui est-ce qui présentement s'exprime, ça peut être intéressant pour certains. Si je dis mon esprit passe par moi, c'est intéressant. Frustrant pour les égaux. Ça pour les orgueilleux. Bon. En ajustant les mots, l'âme, c'est intéressant, l'âme. Ben, on peut définir un peu plus. La télépathie, l'une des raisons intelligentes d'être télépathe, c'est d'avoir à ne plus user du vocabulaire. Dans certaines religions qui proviennent du passé, on parle d'une tour de Babel où l'homme avait un langage. On peut mettre plusieurs explications théoriques là-dessus, on peut se promener et faire différents points de vue de ce phénomène. Il n'y avait pas assez d'humains sur la planète, donc il n'y avait qu'un langage. Plus l'humain populait, plus il y avait d'humains, plus il était éloigné du centre, et lentement les langages se déformaient pour créer, engendrer différents langages. C'est ce qui est arrivé à partir du latin, par exemple, où on aura l'allemand, où on aura l'anglais, où on aura le français, où on aura l'italien, l'espagnol. Bon. Mais antiquement, la parole, enfin, la seule langue qui existait était une langue télépathique. Lorsque les apôtres s'en vont bavasser leurs choses devant un paquet de monde, eh bien, ils parlent dans une langue. Mais le grec le comprend en grec. Et les autres peuples les comprennent dans leur langue natale. Il y a donc une mécanicité télépathique qui permet de ne pas tromper les mots. Yahvé, mal prononcé, puis se prononce Jéhovah, si on le lit mal. Alors si moi c'est l'énergie que je veux communiquer, puis c'est ça que vous comprenez, le mot, pas de problème. Vous mettrez le mot que vous voulez mettre, et il sera exactement ce que moi je voulais communiquer. Alors on ne s'assigne plus avec les mots, alors on n'a plus besoin de forcer la création de nouveaux mots. Présentement, on devra continuer à former de nouveaux mots tant que ceux à qui on communique ne seront pas 100% télépathes avec nous. Donc, on sera obligé d'avoir une parole juste, donc d'ajuster sa parole. Après avoir ajusté sa parole, cela va nous permettre d'ajuster notre pensée et on aura une communication qui obligera l'individu qui écoute à ne pas pouvoir interpréter ce qu'on lui dit. Ça, c'est une mécanicité d'ajustement de la parole. L'être humain télépathe communique sans problème. L'être humain télépathe continuera à avoir une parole parce que la parole sera le seul moteur pour ajuster sa pensée. Et lorsque la pensée sera juste, il pourra la télépathiser aux autres. C'est le langage, évidemment, de l'ère nouvelle. Qui commence quand? Qui commence quand elle va commencer? Bon. Alors, il y a sauver du temps et aussi être télépathe pour sauver de l'énergie. Cessez de s'astiner sur les mots. Cessez de ne pas comprendre ce que l'on dit. Cessez de s'engueuler. Cessez de faire la guerre. Et bien des choses. Ça, ce sont des raisons intelligentes de développer la télépathie. Ce ne sont pas des raisons émotives. Dans le sens, ben, si je peux savoir ce que l'autre dit, ça, c'est développer le pouvoir. Alors, on peut s'entraîner à développer la télépathie. Disons, commençons par un couple, deux personnes. Pourquoi quand on essaie, si on veut pratiquer ou développer ce sens pour côté pratique, pour sauver du temps ou des choses intelligentes, pourquoi est-ce que c'est tellement dur? Est-ce que c'est parce que ça a été effacé avec toutes les générations? Quoi? Non. Pourquoi est-ce si dur d'apprendre à programmer un ordinateur? Parce qu'on est habitué à travailler avec un logiciel déjà programmé. Pareil. Pourquoi est-ce difficile d'apprendre à travailler avec un logiciel? Parce qu'on n'est pas habitué à travailler avec un ordinateur. Pareil. Pourquoi est-ce si compliqué d'apprendre à travailler avec une calculatrice? Ah, oh, maintenant qu'on le sait, on le sait. Mais pourquoi est-ce si compliqué? Pareil. Pourquoi est-ce si compliqué d'apprendre à marcher pour l'enfant? Ben, quatre pattes, ça marche. Oui. Mais quand il va avoir, quand à un moment donné, il va vouloir aller plus vite ou suivre, ou etc., il va finir par, bon, la paresse va être transmuée en volonté d'agir. Si, parce que prenons encore un exemple, apprenez à parler avec vos mains. Et ça va-tu être long? Ça n'a presque pas d'allure. Mettre chaque mot dans un langage gestuel. Oui, mais ça s'apprend. Oui, c'est parce qu'il y a une personne qui a décidé que ça devait s'inventer. Alors pourquoi ça, ils ont le langage du muet. C'est la même chose pour la télépathie. Pouvons-nous... Il y a une personne ici au Québec intéressante qui un jour a dit que le langage du Schtroumpf était le meilleur langage pour apprendre à développer la télépathie chez les enfants. Et il se trouve que c'est plus ou moins vrai. Pourquoi? Parce qu'en mettant toujours le même mot un peu partout, je t'oblige à comprendre ce que je dis autrement que par le mot. Alors, le langage du Schtroumpf est l'association logique de ce qui se devrait d'être dit. Mais chez l'enfant, la faculté associative logistique n'est pas tellement développée, et s'il arrive à suivre entre deux enfants, ce sera par le phénomène de la télépathie. Évidemment, le Schtroumpf s'adresse à un enfant qui a déjà une logistique pour comprendre le langage. Bon, parce qu'évidemment, le Schtroumpf, c'est un dessin animé, et à la télévision, il ne communique pas de la télépathie, dans un livre non plus. Bon. Comment pouvons-nous... Pourquoi est-ce si difficile de développer la télépathie? C'est parce qu'on ne prend pas le temps de la développer. Alors, je veux te dire quelque chose, et je te regarde, et c'est tout. Il y a un problème. C'est que la télépathie, elle ne se fait pas comme le langage de la parole. Et le gros problème dans le développement de la télépathie, c'est que l'humain essaie de développer tout sauf la télépathie. C'est comme à un moment donné, j'ai donné un séminaire, bon, dans un séminaire que je donne, on était dans une salle, j'expliquais à une personne qu'on peut faire disparaître un nuage. Alors, elle a voulu pratiquer un petit peu, puis finalement, après 15 minutes, ça ne fonctionnait pas. C'est qu'elle tenait tellement à ce nuage que les nuages ne peuvent pas partir, ils grossissaient. Alors, elle a eu une preuve qu'effectivement, elle avait la faculté d'agir, mais ça ne donnait pas ce qu'elle voulait. Mais ça donnait quelque chose. La télépathie. L'homme ne peut pas connaître le neuf à partir de sa mémoire. Parce que dans la mémoire, il n'y a que le vieux. Parce qu'il a déjà connu. Alors, étant donné que l'être humain n'est pas télépathe, consciemment, nous sommes d'accord, il ne connaît pas la mécanicité de la télépathie. Par contre, il connaît la mécanicité de la parole. Alors, il essaiera d'inventer une télépathie similaire à la parole, c'est-à-dire qu'il essaiera de parler dans la tête d'un autre. Et ça ne marche pas. La télépathie, ce n'est pas... Jacqueline, est-ce que tu es en retard ce soir pour la conférence? Jacqueline, elle se promène. Jacqueline... Non, je ne serai pas en retard. Puis moi, je suis là, clic. Non, je ne serai pas en retard. Parfait. Roger. C'est pas comme ça que ça marche. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche comment? C'est de l'instantanéité. Ça marche comment? Ça marche qu'en même temps que je pense, en même temps, elle le pense. C'est simple. Je veux qu'elle me téléphone en même temps qu'elle pense que peut-être ce serait bon qu'elle me téléphone. C'est pourquoi je suis capable d'arriver et décrocher mon téléphone pour l'appeler Je pitonne dans ses oreilles à elle parce qu'elle venait juste d'établir la communication, ça n'a pas encore sonné. Puis là, elle dit allô, allô, oui, clic. Après les pip, pip, pip. Puis là, moi, je, oui, Jacqueline, oui. Ah bon, ben, c'est, voilà. Instantanéité. Ça veut dire qu'en même temps, deux personnes peuvent dire la même chose. En même temps. Pas décalé, en même temps. Celui qui a une parole plus vive que l'autre peut de temps en temps le dire avant, mais à l'instant où l'autre, celui qui a la grande gueule, commence à parler, l'autre sait, mais il n'est pas assez vite pour le dire. Mais c'est instantané. Ce n'est jamais décalé dans le temps, c'est instantané, la télépathie. Cela veut dire qu'on ne doit pas travailler la télépathie en pensant communiquer des paroles. Mais c'est en pensant communiquer un feeling, une intuition. On peut dire de la pensée, mais la pensée, elle est paralysée dans la tête de l'homme pour que l'homme puisse prendre conscience de la pensée. La pensée instantanée n'est pas paralysée. Moi, lorsque je parle, il n'y a rien dans ma tête. Je ne pense pas. Il y a de l'énergie dans ma conscience, mais il n'y a pas de pensée réfléchie dans ma tête. Ce qui me permet d'amener des choses neuves au fur et à mesure que le langage le permet. Ou même d'inventer de nouveaux mots. Je n'ai pas à y penser. La télépathie, son processus est le même. Vibrer l'autre. Et l'autre risque de vibrer nous. Et l'autre sait ce que nous voulons qu'il sache, et nous savons en même temps qu'il le sait. Télépathie. Alors, lorsqu'une personne... un jour, j'ai rencontré une personne intéressante qui vivait en bobette. Bon. En caleçon. Alors, elle vit un peu retirée et elle se baigne dans le fleuve Saint-Laurent. Elle pousse des cubes de glace puis elle plonge là-dedans avec son chien. Et elle arrive. On avait organisé un camp avec des jeunes. C'est quelque chose qui n'allait pas. Alors, elle rentre là-dedans et puis tout le monde est heureux, tout le monde joue, tout le monde s'amuse, c'est impeccable. Et là, elle vient me voir et elle me dit « Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? » Ben, tout va bien. Il dit, non, tout, il y a quelque chose qui va pas. Depuis quand c'est ça? Depuis 5 minutes. J'ai dit, parfait, moi avec, depuis 5 minutes que je le sais. Bon. Il n'y a pas d'œufs. Il manquait des œufs. Mais quand il faut que tu nourrisses tout le monde, peut-être une trentaine de jeunes, des œufs, il y en a quoi? C'est le premier cultivateur qui n'avait pas encore vendu ses œufs. Hein? Bon. Télépathie. Simple. Il y a deux choses qu'on doit développer. Être capable d'être suffisamment intuitif pour percevoir quelque chose, être capable de décoder ce qu'on a perçu pour le transmuer en pensée. Et là, le savoir. Autrement dit, c'est que je dois penser ton message. Et je ne dois pas recevoir ton message. Parce que je ne le recevrai jamais, ton message. Une pratique intéressante qu'ils font par la psychologie, c'est qu'on brasse les cartes, les petits symboles dessus, puis là, je regarde un rond, puis là, je communique le rond. Je le vois, je ne vois que le rond. Toi, tu vois quoi? Tu vois le triangle, tu vois l'étoile, tu vois, bon. Bien souvent, tu vas voir tout sauf le rond. Alors, il y a une phénoménologie intéressante dans la pratique, c'est de voir l'étoile, mais là de côté. Essaie de dessiner le carré, tu le vois, mais là de côté. Dessine le rond, X c'est dur. L'autre, il garde. Pense que ça peut être le rond. On a fait des expériences ici et 7 fois sur 10, 8 fois sur 10, la personne est là, un choix de 1 sur 2 et 7 à 8 fois sur 10, elle a tort. Alors, si tu as le choix entre le rond ou le carré et que tu te trompes 8 fois sur 10, cela prouve que la télépathie marche. Parce que la mathématique du hasard ferait que 5 sur 5 et non pas 8 sur 10 d'erreur. Il y aura 5 erreurs, 6 erreurs. Sur 5 réussites, 6 réussites, c'est une moyenne convenable. Si tu dépasses cette moyenne, nécessairement, ça marche, mais toi, tu marches à l'envers. Bon. On faisait une expérience, une personne cachait quelque chose, et puis il y a 5 personnes, tu dois découvrir laquelle. C'est pas compliqué tellement. C'est celle que tu es sûr qu'elle ne l'a pas, mais elle est en réserve pour de telle qu'il l'a. Celui-là, il l'a, oublie. L'humain est programmé, l'humain est manipulé pour ne pas découvrir les choses qu'il peut se servir, et plus souvent qu'autrement, il marche contre lui. La pensée nuit, puis il y a d'autres phénomènes qui nuisent, on en a parlé amplement, on va revenir la semaine prochaine avec Au-delà du réel. Ouais. Au-delà du surréel aussi, ça va. Donc, la télépathie, elle est difficile à développer parce que premièrement, l'humain essaie de développer quelque chose d'autre. C'est comme les personnes qui méditent pour développer le troisième œil. Mais le troisième œil, il est en haut ici, il n'est pas là. Bon. Même la glande pinéale n'a pas la glande hypophyse. Mais en admettant, je me concentre sur ma glande hypophyse. Oui. Est-ce que tu sais anatomiquement où elle est? Tu te concentres-tu sur ta peau, sur l'os, sur les muscles intérieurs? C'est sur quoi tu te concentres? Tu sais, je me concentre sur mes chakras. Ils sont placés où? Dans ton corps, tes chakras. Tu te concentres où, toi? Triple, là, mais tu te concentres où? La télépathie, c'est un peu la même chose. Développer une chose qu'on ne connaît pas, c'est compliqué. Et surtout, si on veut développer un parallèle entre une chose, la parole, et une parole pensée, communiquée par la voix des airs, télépathie, ça ne marche pas. Donc, pourquoi c'est difficile de développer la télépathie? Parce qu'on ne développe pas la bonne chose. Et parce que l'humain n'a pas encore appris à être suffisamment patient pour la développer. Ça se développe inconsciemment chez certains individus. Plus ils vivent ensemble, plus ils deviennent télépathes. On peut parler de nos grands-pères, de nos grands-mères, même de certains de nos parents, qui sont de plus en plus télépathes. Mais ils ne le savent pas. Moi, c'est pas grave, ça marche. Si on leur dirait qu'ils sont télépathes, peut-être qu'ils seraient surpris et ils vous répondraient qu'ils ne croient pas à ça. Alors, on les achale pas, on les laisse être télépathes. Bon. Voilà pourquoi c'est difficile de développer. Bon, ben alors, on va pratiquer le jeu des cartes. Bon. On peut pratiquer le jeu des cartes. La meilleure chose pour engendrer le phénomène du développement de la télépathie, c'est d'apprendre à respecter autrui et surtout d'apprendre à travers la communication orale à saisir ce que l'autre dit énergétiquement plutôt que de jouer sur ce que nous, on comprend à travers les véhicules que sont les mots. Alors, cela veut dire que lorsqu'une personne vous dit, bon, ma femme, elle fait un gâteau. Alors, je vais lui dire que c'est bon. Non, je me rappelle plus comment j'ai dit ça, mais en tout cas, c'était deux compliments qui viennent ensemble donner une insulte. C'est très intéressant. C'est dans le genre, c'est très bon, c'est pas pire, et je réponds, c'est très pire. C'est dans le genre. C'est pas tout à fait ça, me donner une idée, là. Je sais pas où il est mémoire. Alors, ce qui arrive, c'est qu'elle pourrait me dire « Comment, t'as pas aimé ça? » Non, non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Ben, mais c'est quand même ça que tu as dit. OK? La stupidité, là. Quand tu dis « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » T'avais rien qu'à pas le dire. Hein? C'est pas ça que je voulais dire. Les mots sont plus importants que tout ce que tu peux vouloir dire. Bon. T'avais rien qu'à pas les dire. Comme l'être humain est manipulé et qu'il met les manipulés dans sa parole, nécessairement, souvent, ce qu'on dit n'est absolument pas ce qu'on veut dire. Bon. Quand je demande à quelqu'un, ça te tente d'aller voir un film? Ah, oh, ça me dérange pas. Je peux savoir si ça te dérange, savoir si ça te tente. Oh oui, ça me tente. C'est pas pareil, hein? Parce que si ça te dérange pas, au bout d'un mois, on va dire, ouais, mais c'est moi qui te suis. Ça, tu peux être sûr. Parce qu'elle s'instruit continuellement par sa parole qu'elle te suit. Elle ne va pas là parce que ça lui plaît, elle va là parce qu'elle te suit. Alors, à un moment donné, ça va revenir à sa table. Je ne sais pas savoir si ça te dérange, savoir si ça te tente. Ah oui, ça me tente. Parfait. Et au bout d'un mois, elle est venue toujours où ça la tentait. OK? L'humain, on le force à parler croche. Ajouter sa parole, là, c'est quelque chose, c'est ça veut dire, arriver à dire ce qu'on veut dire. Alors, pour commencer à développer le phénomène de la télépathie, or jouer les cartes, c'est un phénomène intéressant, là, mais c'est un peu parapsychologue, puis de temps en temps, on rentre dans des égrégores, bon, on va donner des électrochocs bien vite quand tu n'as pas les cartes. Ça l'aide de développer, mais c'est un peu con. Tu me parles, et moi, j'essaie de percevoir exactement ce que toi, tu veux dire. Quelle est la vibration de ta pensée? Alors, nécessairement, si on est deux personnes qui voulons pratiquer, on doit s'arranger pour réduire au maximum les mots. La première chose, c'est ne pas se saluer lorsque l'on se rencontre. Cela devrait se faire par télépathie. Et c'est pas regarder l'autre et envoyer des ondes ou des bonnes pensées. Là. C'est pas ça que ça veut dire tantôt. Que l'humain complique les choses. Non, non, la télépathie, c'est de l'instantanéité. Moi, je rentre, toi, tu rentres, puis on s'en va travailler. Toutes les bébelles, le bonjour, comment ça va, blablabla, c'est... Bon, tu sais, ça mène à rien de plus, ça, c'est fait. Alors, on commence par ne pas se saluer, de façon à ce que ça se fasse par télépathie. Si l'humain a besoin de la parole, nécessairement, tu vas sentir que l'autre vibre mal, que tu n'aies pas dit bonjour. Fait que là, tu dis bonjour, mais pratique avec un autre. Alors, on rentre, et puis tous les mots qui sont standards, mais qui n'ont pas de raison logique ou intelligente d'être, on les oublie. Avec elle. Ne commencez pas à pratiquer avec tout le monde, vous allez voir qu'il y a un manque de conséquentialité et un manque d'écologie. Tu viens de t'acheter un nouveau vêtement. On pratique la télépathie, tu ne m'en parles pas. Pénètre. Et tu sauras ce que j'en pense. Mais il y a une chose. Tu vas savoir ce que j'en pense. La télépathie te permettra de savoir ce que je pense d'une chose, savoir ce que je vis d'une chose. Mais on ne peut pas être poli en étant télépathe. La politesse est un protocole du mensonge. Et c'est le protocole aussi de l'illusion. Est-ce que tu aimes mon nouveau veston? Si tu l'aimes pas, si t'es poli, tu dis oui. T'es menteur, mais t'es poli. Télépathiquement, je vais savoir que mon veston ne fait pas fureur. Et c'est correct. On veut être télépathe. Sinon, restons sur le protocole de la parole et comptons les menteries d'usage. Moi, je rentre et tu as l'impression que je ne suis pas attentionné à toi. Tu t'en plains ça. Toutes les fois que je rentre, je te demande comment ça va, mais j'ai jamais voulu savoir comment t'allais. Alors, nécessairement, si on est télépathe, je ne le demande plus. Je ne le vibre même pas, je ne l'ai jamais vibré. La preuve, une fois que tu commences à m'expliquer que ça va mal, je te coupe, puis je t'enligne sur d'autres choses. Je ne suis pas intéressé à savoir comment ça va. Ce que ta voisine a fait, puis tout ça. Quand le monde est intéressé, ben là, ils prennent le téléphone. La télépathie aussi va exiger de la personne qui veut apprendre de ne pas d'être déjà capable de vivre sans l'ennui. C'est-à-dire que la personne qui a besoin de la parole pour se désennuyer, ceux qui comptent tout en détail, t'as-tu fait réparer ta roue? Ah, oui, oui, j'ai fait réparer ma roue. Là, je suis arrivé chez le mécanicien, là. Puis là, je lui ai dit bonjour. Il m'a dit bonjour. Là, j'ai demandé s'il pouvait rentrer mon char. Il m'a dit non, tu pouvais pas parce qu'il y avait trois autres autos à réparer. Il y avait une dame, là, qui avait un essieu de ta roue, tu réparais? Non, ouais, c'est ce que je compte, là. Arrive-en au résultat, oui ou non? Ben ouais, mais là, faut que je t'explique. Elle peut pas être télépathe. Parce que télépathiquement, je le sais que sa roue est réparée. Elle a rien à dire. Alors, plus l'humain est télépathe, moins il parle. C'est logique, hein? Quoi ça sert d'être télépathe si on parle? Plus le téléphone marche, moins t'écris. Hein? C'est logique. T'écris pas au voisin, tu le téléphones. Quand plus on devient télépathe, moins on parle. L'avantage, la parole gaspille énormément d'énergie. La parole engendre les chicanes quand on parle comme ça. Pour développer le contact avec son ajusteur de pensée, pour développer la parole juste, nécessairement, on devra parler. Mais on devra parler comme on l'a expliqué dans une conférence. Tu me poses une question, puis moi j'en pose une meilleure. J'en pose une meilleure, puis moi j'en pose une meilleure. Là, on développe le contact. Avec la parole, pas avec la télépathie. Alors donc, la personne doit être capable de se prendre un peu en main, donc d'assumer un peu sa solitude. C'est évident que si elle le défoule sur la parole, la télépathie, qu'elle ne compte pas là-dessus. Elle pourra l'avoir inconsciemment, mais elle n'arrivera jamais à la contrôler. Donc, comment? Je vous carte intéressant. La meilleure chose, c'est d'arriver à apprendre à travailler avec un individu ou deux individus et éliminer tous les mots qui ne servent comme tels à, qui ne servent qu'à un protocole. Protocole de la relation sociale. Politesse. Si on élimine le protocole avec ces individus-là, nécessairement, déjà là, il y aura une affinité de communication parce qu'il y a chez l'ego une programmation de communication par le protocole. Donc, on pourra se servir, même si on n'a rien à faire, de ces phénomènes-là pour entrer en communication. Ça va engendrer, parce que dans le bureau ici, ça se développe de plus en plus, ça va engendrer une espèce d'harmonie entre certains individus où ils vont développer une complicité énergétique. Ceux-là ne se parlent pas. Mais on dirait qu'ils sont une gang, un clan, qu'ils sont rentrés. Non, ils sont une complicité télépathique. C'est tout. Celui à qui tu vas toujours mettre de l'énergie, toujours parler, parce que lui se fout royalement de ce que tu veux dire, mais se fie à ce que tu dis, il ne rentre pas dans la complicité. Et lentement, il devient un têteux d'énergie. Lentement, tu deviens compliqué. Te faire affaire avec, en tant que patron, tu délègues ça à un relationniste ou à quelqu'un qui lui se plaît de parler et qui aurait expliqué. Donc, on commence par ça. C'est la meilleure chose, que ce soit dans la famille, que ce soit dans ceci ou dans cela. Un phénomène qui est dangereux. Bon, j'ai acheté quelque chose, devine-le. Ça ne développe pas la télépathie. Parce qu'il y a une convoitise de l'ego. Et surtout, si on veut, on appelle cela développer la télépathie, ça crée un problème, ça crée la possibilité de faire une erreur, ce que présentement l'ego humain n'est pas encore capable de supporter. L'homme a encore le culte de l'erreur. Au nom du fait qu'il ne veut pas faire d'erreur, il se risque d'en presque rien. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Puis on veut développer la télépathie, là, je le sais. Donc, si ça marche, je pense qu'elle me teste. Alors, ne voulant pas perdre, émotivement, je vais créer une logistique. Bon, qu'est-ce qu'elle voulait acheter il y a deux jours? Mais c'est pas de la télépathie qu'on développe, là. On développe une logistique de réponse qui n'est pas télépathique. Alors, on ne doit pas se mettre au défi là-dedans parce que l'être humain n'est pas encore assez anégoïsé. L'humain est encore tout orgueilleux que lorsqu'il y aura une compétition, nécessairement, ça ne fonctionne plus. Et c'est un peu le problème du jeu des cartes. C'est quelle carte que je t'aimais? Hey, tu veux-tu réussir? Ben, si tu veux réussir, tu risques carrément de perdre. Si tu t'en fous royalement, l'enfant peut jouer à ce jeu-là, l'enfant de 3, 4 ans, 2, 3, 4, 5 ans, parce qu'il a jusqu'à cet âge-là, il se fout de gagner ou de ne pas gagner. Autrement dit, on ne doit jamais le récompenser s'il l'a. Parce qu'il va finir par vouloir avoir la récompense plutôt que de vouloir te dire ce qu'il pense. Et nécessairement, il aura peur de manquer la récompense, ce qui va nécessairement dire, c'est le cercle, pourquoi pas le carreau, pourquoi pas le triangle, pourquoi pas le trèfle, pourquoi pas les fêtes. Tandis que s'il se fout de bebelle, il voit un cercle, il dit un cercle. T'es-tu content? Parfait. T'es-tu content, ce pays-là. Mais t'as pas la récompense de lui. Donc, la télépathie se développe facilement. En quoi est-ce que la télépathie inconsciente est dangereuse? Bon. Tout à l'heure, on en a parlé un peu, en ce sens que si moi, je sais ce que tu penses, ce n'est pas grave. Parce que moi, je n'ai pas assez d'orgueil pour m'en servir contre toi. De toute façon, chaque fois qu'un être humain ouvre la trappe, il communique suffisamment d'énergie vitale dans sa parole que je sais exactement où il en est, ce qu'il est. Par contre, étant donné que je suis suffisamment instantané, si une heure après il reparle, je le revive comme il est là, pas comme il était. Ce que l'humain a encore de la difficulté à faire. Ah oh oui, celui-là, je le connais. Non, mais ça fait 2 ans. Ouais, ben, il a bien changé. Ah oui, c'est ça. L'humain se refuse, l'humain préfère connaître quelque chose de neuf à partir de ses vieilles mémoires. Ben, vous savez, quand vous voulez changer quelque chose, ceux qui vous empêchent le plus de changer, c'est ceux qui vous connaissent bien. Bon. Essayez de jeûner, on va vous le dire. Lâchez de fumer, et on va vous répéter. Si vous voulez être plus... N'importe quoi. C'est ceux qui vous connaissent qui vont être le plus pire handicap. Alors donc, si un individu anégoïque peut lire ou peut savoir ce que d'autres pensent, c'est simplement utile et efficace, surtout s'il est pédagogue ou instructeur ou quelque chose comme ça. Le problème, c'est que, est-ce que d'autres peuvent lire dans ma tête? Ce n'est pas encore grave, mais est-ce que d'autres peuvent me communiquer de l'information dans ma tête? Ça peut être grave si je me fie à ma pensée. La télépathie inconsciente, la télépathie, elle procède des mêmes mécanicités que la télépathie consciente. C'est-à-dire, ce n'est pas des mots, c'est un feeling, une intuition. Alors qu'un bonhomme a l'intuition de vendre des actions, il se peut, s'il est puissant, que 1000 autres bonhommes aient le même feeling que lui. Mais les 1000 autres n'ont pas un feeling individuel, ils ont le feeling collectif renforcé par la masse de ceux qui sont plugués sur le feeling du bonhomme. Et ça, c'est un problème au niveau de la télépathie, c'est-à-dire qu'ils sont tous assujettis télépathiquement au bonhomme, mais le bonhomme, lui non plus, ne le sait pas. Et tout le monde se fait avoir. Dans les élections, il y a cela. Dans les ventes de certaines choses, il y a cela. Plus il y a d'individus qui vont acheter un objet, plus il y a d'individus qui vont aller acheter l'objet, même si tu n'en parles pas en publicité. Et on s'est tellement rendu compte de ce phénomène qu'on essaie de temps en temps d'en parler en publicité. C'est plein de monde, mesdames et messieurs, qui sont venus en fin de semaine. Ne manquez pas à cette fin de semaine Non, oui, parce qu'il y a plein de caves qui ont été, il vient là. C'est l'idée. Sauf que, même si on ne l'emploie pas en publicité, ça marche. Télépathie inconsciente, télépathie. T'es chez vous, tu regardes l'annonce, elle ne dit rien. Tu regardes l'annonce, elle commence à te dire de quoi. Il y a de plus en plus d'individus qui vont acheter. On peut citer une annonce intéressante faite par un génie. Ça se passe sur la rue Masson. Bon, c'est suffisamment connu. C'est par un génie. Un gars suffisamment négoïque qui se dit, moi, je veux marcher en affaires, j'ai besoin de fric. Plus m'a paraît être cave, plus m'a paraît être trop stable. Fait que là, papa, tu clins. Se présente à la télévision, et puis ils font un commercial. Et puis en plus, ils vont aller chercher un paquet de monde qui s'ennuie, et placer derrière un store, finir le commercial. Pour rendre le dicton vrai, plus on est fou, plus on rit. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Puis je pense qu'inconsciemment, il y a énormément d'humains qui sont téléphatiquement manipulés. Parce que ce n'est pas la publicité qui attire les gens. Il y a quelque chose qui attire les gens. Ça marche, les bébelles. C'est génialement intelligent au niveau du marketing, même s'ils ne savent pas exactement ce qui se passe ou ce qu'ils font. Il fallait être un égoïque. Ah, maintenant, il y a d'autres orgueilleux qui essayent de les copier. Bon, eux autres sont juste risibles, mais jaunes. Tu sais, bon. De temps en temps, ils ont quelque chose, ils entendent non plus. Bon, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe au niveau téléphatique? Il se passe simplement au niveau téléphatique que ces personnages-là engendrent dans le monde qui sont dans les gens qui ont besoin d'une famille. Dans les gens qui ont besoin de faire confiance à leur père, à quelqu'un au moins de la famille. Ben, ils engendrent une mécanicité émotive qui les relie à ceux-là. Et nécessairement, eux autres vont aller faire un tour. Bon, aller magasiner, peut-être même pour rien acheter, mais peut-être pour rencontrer papa. Et ce qui va arriver, c'est que tous ceux qui sont dans la même situation, ou tous ceux qui auront, ça va loin, au niveau de l'inconscient de l'humain, tous ceux qui auront peut-être besoin d'une famille, tous ceux qui auront besoin, qui s'ennuieront de leur vieux Noël, de n'importe quoi, qui a rapport à la famille. Bien, lentement, ceux qui y ont été ou qui vivent ce phénomène, les 15-20 premiers, les 200-300 premiers, vont téléphatiquement engendrer une condition similaire chez tout le monde. Tout le monde, non. Puis chez la majorité des gens. Alors, ça fait une publicité qui marche, parce que tu sais même pas pourquoi tu y vas, mais on va au moins aller voir à un moment donné. Par contre, tu auras le père de ceci, le roi de cela, tu mettras les annonces que tu voudras, tu seras pas intéressé à aller voir pour voir. Mais là, oui, c'est une visite que tu vas faire. Et quand tu vas visiter dans un magasin, il y a des chances que tu achètes. Mais c'est une visite que tu vas faire. La majorité des clients qui ont été là ont été visités. Et Christy essaie d'obliger un public à venir visiter un magasin, c'est dur. Mais là, tu vas visiter, tu peux pas. Inconsciemment, c'est une sortie. J'espère évidemment avoir les clones, mais c'est une sortie. Ça marche. Pourquoi la téléphatie est dangereuse? Parce que plus il y a d'humains qui embarquent dans une chose, plus il y a d'humains qui vont être assujettis à cela. Cela veut dire qu'on doit continuellement douter d'une chose. Si moi je suis contre, et que par la suite, sans avoir légiféré un peu plus sur cette chose, je deviens pour, ou si je deviens pour plus facilement parce que plus de gens sont pour, je devrais savoir que je suis manipulé dans ma pensée par la pensée collective des autres. Le collectivisme peut porter un autre nom, le synonyme télépathie. L'individualisme peut communiquer télépathiquement avec quelqu'un. Moi, j'ai le même feeling et je peux te dire que tu te trompes. Donc, ma conscience reste individuelle. Et à un moment donné, j'ai le même feeling et je dis, ah ben oui, tu as peut-être raison. Oui, alors, c'est ton feeling que j'ai. Parce que je pense que ça provient de ma pensée, orgueilleux comme je le suis, ma pensée est bonne, ben nécessairement, si je le pense, tu as raison. Quand une personne m'explique, Monsieur Kem, surtout à la radio, ce que vous dites là ce soir, là, ça, là, vous l'avez. Là, moi, je réponds, oui, je l'ai, parce que vous êtes d'accord. Ah oui, je suis d'accord, certain. Ouais. Là, je l'ai parce que vous êtes d'accord. Je l'ai peut-être pas pantoute. Mais parce que l'humain est orgueilleux, quand lui, il a ça chez lui, bien nécessairement, si tu dis comme lui, tout est bonne, tout est wise, tout est intelligente. Si tu dis pas comme lui, ah ben là, c'est toutes les caractéristiques, toutes les niaiseuses, t'es folle, t'es perdue, parce que lui, c'est le summum de sa planète. L'humain marche comme ça. Mais il est stupide! Ah ouais. Mais il est stupide parce que tu raisonnes pas comme moi. T'es un petit peu. Ah ben t'as peut-être raison. Télépathie. Ça ne se fait pas comme ça, là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'homme se collectivise à une opinion, c'est ça le problème. Le libre-échange, tu es bon ou tu es pas bon? Ben, on ne sait pas ce qu'on entend dire. Voilà. Vous ne voulez pas vous faire une opinion, vous voulez prendre une opinion déjà faite. Et comme on vous en donne deux, qu'on énergie chacun à la fois, ben, l'humain n'a pas d'opinion. Dernièrement, je pensais que j'étais pas mal pour. Il y a un gars m'expliquer, là. Là, j'ai vu deux pages complètes dans le Journal de Montréal expliquant que c'était pas bon. Je sais plus. La télépathie, c'est là qu'elle peut rentrer en ligne de compte. L'humain ne se fait pas une opinion. Il attend qu'une opinion se fasse chez lui. Et lorsqu'une opinion se fait chez lui, c'est une opinion faite, parfaite. Et nécessairement, il est collectif. Il n'a pas d'idée. La télépathie, elle va marcher au niveau de l'enguirlandement, elle va marcher au niveau politique, elle va marcher au niveau publicitaire, elle va marcher au niveau aussi du marché des sectes, du marché des religions. Nous sommes deux personnes qui arrivons chez vous, nous faisons partie de telle secte. Nous avons un livre sacré et que nous connaissons par cœur, même les fautes d'orthographe dedans. Alors, nous sonnons chez vous, nous cognons que la fenêtre ne marche pas, ou nous entrons si c'est pas... Bon, bref, nous allons chez vous. Et comment arriver à vous vendre notre salade? Être téléphatique. Vous êtes d'accord avec moi? Des fois, ça fatigue, justement. Bon. Alors, être téléphatique. Lorsque je rentre, je commence par me poser des questions clés pour engendrer une résonance au niveau de l'ego de la personne et de la mienne, qui est le vendeur. Le prêcheur, le porte-prêcheur. Lorsque j'engendre cette résonance, tout ce que je vibre, tu risques de le vibrer. Et si tu le vibres, pensant que tu le vibres, tu vas accréditer, mais tu ne le vibres pas, tu vibres moi. Télépathie. Avant, tu ne vibrais rien, parce que je suis rentré, tu vibres. À vous des enfants. Oui. Aimeriez-vous ça, vos enfants? Sauf le restant de leur jour. Non. Moi non plus, j'aime vos enfants. Mais comme tu les aimes et que je les aime, ben il y a une résonance qui commence à créer. J'aime vos enfants à un point tel que j'aimerais vous soumettre quelque chose pour qu'ils ne souffrent pas. Aimeriez-vous que vos enfants soient heureux? Le grand-parent va répondre non. Moi, j'ai déjà répondu non. Ça n'a pas résonné longtemps. Mais tu réponds oui, normalement. Alors, lui avec, je suis justement venu pour que vos enfants soient heureux. Là, il y a une vibration. Là, il commence à te montrer des photos, des livres, des passages auxquels lui vibre et tu vas vibrer. Puis voilà la télépathie. Mais il se trouve qu'une fois qu'il est parti, tu risques de te refroidir, comme tu risques de rester réchauffé. Chose certaine, c'est que ça peut être bon ce qu'ils amènent. Ça peut ne pas être bon. Moi, où je hic, c'est que vous ne le savez pas. Parce que vous vibrez à la vibration de l'autre. Je connais des individus qui, à un moment donné, ont abandonné une secte parce que celui qui leur avait vendu avait abandonné. Mais ils ne le voyaient plus. Mais la vibration est en résonance avec ce bonhomme-là. Lui, une fois parti, leur télépathie étant déconnectée, certains ont l'abandonné. Pas tous, parce qu'il y en a qui étaient branchés ailleurs, à l'égrégore de la secte. Ils avaient été baptisés. Bon. Mais lorsque ces personnes viennent, cela peut être salutaire, cela peut être génial, cela peut être démoniaque, satanique, comme cela peut être yadique. Ça dépend de l'individu. Ça dépend de ce qu'on a besoin. Parce que les religions, les sectes, la majorité, ont un rôle hyper intelligent à jouer et ils s'adressent aux individus qui en ont besoin. Ils ne s'adressent pas aux individus qui n'en ont pas besoin. Et ceux qui n'en ont pas besoin n'ont pas à démolir cela. Hein? Bon, simple. Moi, j'ai pas besoin d'un tracteur pour jardiner dans mon jardin. Ma pelle est suffisante. Alors, je ne me monte pas contre les tracteurs. Bon. Lorsqu'ils viennent, tout ce qu'il faut faire, c'est qu'ils nous laissent des livres, des pensées, des revues. Alors, on place ça quelquefois dans un tiroir, puis on attend 2 mois avant des livres. Parce que là, on va savoir si on raisonne de nous ou si on raisonne d'eux. Si on les lit immédiatement, on s'auto-nourrit de la résonance, puis on ne peut pas savoir. Alors, je mets ça là, je ferme le tiroir et j'attends. 2-3 mois après, je les ressors, je recommence à les lire. Puis là, il y a des chances qu'une résonance interne apparaît. Elle est reliée un peu au monde de la mort de cet égrégore, mais elle n'est pas téléphatique, c'est-à-dire qu'elle est drôlement plus individuelle que collective. Alors, je lis. Je me garoche pas tout de suite au temple, je lis. Et si je pense que j'écris, je reçois d'autres cossins, peut-être que je revois un autre bonhomme. Si l'autre bonhomme vient, à moins qu'on ait des questions, c'est important de lui dire qu'on ne veut pas le voir. On veut lire, on veut se faire une idée avant, puis on va le communiquer après. De cette façon-là, on s'évite d'être téléphatiquement relié. Il y a des personnes, à un moment donné, qui viennent au centre et puis qui viennent me voir et puis qui me disent « Moi, là, c'est rendu qu'il faut que je vienne tous les vendredis. » Alors, ce que je lui réponds, ben, c'est ça, ça laisse de venir. Si tu souffres de ne pas venir, tu es en train d'en faire une secte. Téléphatiquement, tu viens t'énergiser de tout le monde. Puis quand tu t'en vas, tu te fais un down après. Ah oui, ça m'arrive des fois. Assez que je ne sais plus si je viens, mais je suis pas à venir. Tu as un down après parce que tu es énergisé par la collectivité. Puis quand tu as ton down après, c'est quand tu te ramasses tout seul. L'humain doit venir n'importe où sur la planète, que ce soit ici ou n'importe où ailleurs, avec ses propres énergies et s'arranger pour ne pas téléphatiquement être ennuyé par tout le monde. Certains vont dire oui, mais c'est plein de vibrations, puis j'arrive pas à. C'est bon. Il se passe ce qu'on veut bien qu'il se passe. Tu prends une douche en arrivant chez toi, puis les vibrations sont parties dans le lavabo. Bon. Alors, c'est bon. La personne, si elle n'est pas téléphatiquement reliée à autrui, donc si elle ne se fait pas une opinion à partir de la connexion opinionnelle des autres, bien nécessairement, elle sera capable de, bon, je ne vais pas vendredi prochain, ça m'intéresse, mais je ne vais pas. On va voir. Ça ne fait rien. Parfait. Hey, moi, je ne suis pas alcoolique. Saison de boire ton verre quotidien. On va voir si tu n'es pas alcoolique. Si tu dors plus, si tu dis oui, mais c'est niaiseux, mais tu es alcoolique. Tu voulais le savoir. C'est la même chose pour n'importe où. Tu vas à l'église tous les dimanches, tous les samedis. Eh bien, si tu ne peux pas t'empêcher d'y aller, il y a un problème. Tu n'es plus libre. Et si tu n'es plus libre, tu es téléphatiquement relié à la collectivité et tu te sentiras mal comme on veut que celui qui ne vienne pas se sente mal. Oui, mais on aime ça quand il est là. Oui, oui, vous aimez ça quand je suis là. Mais vous aimez-vous ça quand je suis heureux? Ah ben oui, mais je suis heureux quand je suis pas là. Hein? Bon. Là, ils vont tout t'expliquer. Oui, mais faites... Bon, parce qu'on aime plus que quand tu es là pour eux autres que quand toi, tu n'es pas là pour toi. Alors, c'est simple. Lorsque la télépathie, pourquoi elle est dangereuse, c'est parce que l'humain ne sait plus pourquoi elle fait des choses. Tuer un homme, c'est un meurtre. En temps de guerre, c'est la masse qui tue. Et ce n'est pas pris comme un meurtre. Parce que téléphatiquement, tout le monde se supporte. Bon, mais c'est la guerre. Oui, si tu changes de mot, là, c'est la mort collective. Mais si tu tues quelqu'un dans une société, étant donné que téléphatiquement, tu te fais brasser par l'idée que ça ne doit pas se faire, plutôt qu'en temps de guerre, ça se doit d'être fait, bien évidemment, tant que tu tues sur l'ennemi, tu préfères. Quand le gars compte des buts dans son propre but, même pas ça. Alors, téléphatiquement, l'humain se fait manipuler parce que l'humain perd la consistance de sa conscience individuelle. Cette consistance individuelle le collectivise, donc l'assujettit à la conscience collective. Lorsqu'un être humain est seul dans une pièce en pleine forêt ou dans un problème, c'est un homme, une femme qui vit. Lorsqu'il est assujetti dans une masse, c'est un troupeau d'animaux qui vit. C'est absolument effarant de constater que le quotient intellectuel d'un individu est autour de 100-120. Le quotient intellectuel d'une masse est autour de 30-40. Parce que la masse est téléphatiquement assujettie. Mais si on prend 5-6 personnes à quotient intellectuel de 100, pas de 120, 140, 160, 100, qu'on les oblige à travailler dans une conscience individuelle autour d'un coordonnateur, on peut pas dire, on peut bâtir un empire. Mais lorsqu'on a 3, 4, 5 personnes à quotient intellectuel de 160 qui téléphatiquement sont reliées ensemble, mais s'il y en a 5, on peut dire qu'il y en a 4 de trop. Parce qu'ils ne pourront pas créer 19. T'amènes une publicité, là, gars, je pense que ça va être bon. L'autre, il regarde, ah oui. Ils sont tous d'accord. Et personne ne va voir les problèmes. Non, ils sont tous d'accord. Et c'est le problème souvent de certaines compagnies, où on a le boss qui dynamise tout, où on a le créateur qui dynamise tout le monde, dans les sectes ou dans d'autres choses. Dernièrement, le centre de l'université étudiait la possibilité d'acheter une colonie de vacances pour faire les choses. Et la colonie de vacances, elle avait été ouverte dans les débuts 1900, elle s'adressait à l'élite sociale, c'est-à-dire que seuls ceux qui avaient les premiers et les deuxièmes de classe à l'élémentaire étaient les seuls enfants acceptés dans ce cas. Le bonhomme qui a parti ça est mort. Et, ben, comme tout le monde était télépathiquement associé à lui, jamais on a vu les erreurs, parce que lui, il dynamisait le phénomène. Mais quand il est mort, tout le monde s'est ramassé libre. Ils sont restés télépathiquement associés à la mémoire du bonhomme, mais ils n'ont jamais réussi à redresser la colonie, qui maintenant est en vente. Et c'est ça le problème de la télépathie. Comment on peut s'y perdre? On est deux dans une famille, moi je suis tout seul, je fonctionne, ma chambre est propre, je fais la vaisselle, je fais le marché. Toi, c'est pareil. On vit ensemble, on est tout fucké. Là, je me laisse traîner. Là, je me dis, ben, télépathie. Quand t'es pas là, je m'ennuie pas. Quand t'es là, je m'ennuie plus. Télépathie. C'est fatiguant. Alors, on pose des questions sur le sujet ou sur n'importe quoi, et puis on revient dans 20 minutes à la période de questions. Alors, si un jour Dieu a ôté la télépathie des mains de l'homme, celui-ci peut-il réellement la développer aujourd'hui? Quand on me dit que Dieu a ôté ceci, ôté cela, s'il a ôté la télépathie des mains de l'homme, il aurait aussi fallu qu'il lui ôte la connaissance de la télépathie. Comme ça, il aurait été sûr qu'on ne la redéveloppera pas. On parle souvent d'un Dieu qui est bienfaisant, qui est pardonne, etc. Et il y a énormément de choses qui apparemment ont été ôtées des mains de l'homme, tout en laissant à l'homme la connaissance de ces choses-là. Comme si un Dieu quelconque voulait, en termes québécois, faire chier l'humain. Alors Dieu n'ôte rien. L'homme s'occupe lui-même de perdre qu'il a. Il s'occupe lui-même de faire ses guerres, il s'occupe lui-même de faire différentes choses. Parce que Dieu s'occupe de Dieu et l'homme doit s'occuper de l'homme. Redévelopper la télépathie, de toute manière, qu'est-ce que je viens de dire soit vrai ou faux, il y a énormément de personnes qui sont déjà télépathes et il y a aussi énormément de personnes qui inconsciemment ou même consciemment, ils en rient de temps en temps, se rendent compte qu'effectivement, ils peuvent appeler cela le hasard, mais... Quand 3-4 fois dans la même journée, ils vont dire exactement la même phrase en même temps, il y a un coup de pouce au hasard. Comment empêcher une autre personne d'agir sur ma conscience quand je dors, au point de me faire exécuter tout ce qu'il désire et me faire souffrir? Comment fermer mon mental et couper ce pont? Bon, la personne, elle aime trop l'autre ou elle hait trop l'autre. Quelque chose qui se passe. Il y a un contact entre l'un et l'autre. Et pour régler son problème, elle devrait, premièrement, manger des végétaux, manger des choses qui sont crues, manger des légumes, manger des fruits. Elle devra manger moins de viande. Elle devra s'arranger aussi pour ne pas trop perdre d'énergie dans la parole, dans la chicane, dans la peur, dans la honte, dans la gêne. C'est-à-dire qu'elle a un périsprit trop mince. Le périsprit est l'enveloppe de l'âme. Tout à l'heure, on en a parlé un peu. On parlait d'un corps séraphique. Et plus le périsprit est épais, plus l'individu est épais. Personne ici n'est pas assez épais. Vous savez que le langage de l'homme est extrêmement intéressant, parce que bien souvent, il vibre une chose, c'est transcrit par la parole, mais il n'a aucune idée de ce qu'il dit. C'est ce qu'il me fait dire souvent en séminaire, ce que tu viens de dire est vrai, mais je ne sais pas si tu le sais. Quand une personne dit qu'elle est noire de colère, bien effectivement, son aura devient noire. Jaune de honte, etc., ben effectivement, ça a des tendances au niveau de l'aura. C'est inconsciemment perçu et c'est vocabilisé. Personne n'est pèse, une personne ne comprend rien. Donc, une personne ne peut pas être téléphatisée par vous. Et si elle a raison, mais que vous, vous trouvez que c'est vous qui avez raison, nécessairement, pour l'insulter, pour essayer d'ouvrir un pont, on va la traiter d'épaisse. C'est supposé être un défaut. Une insulte à être épais. Moi, je suis épais dans le plus mince. Je suis épais. D'ailleurs, certains me le disent. Bon. Alors, la personne, elle n'est pas assez épaisse. Voilà. Et si elle mange l'énergie vitale qui paramètre son âme et qui, vous savez, plus le périsprit est mince, plus c'est comme une chaudière d'eau. Si on a une chaudière de plastique mince ou une chaudière de toile, bien, quand on donne pichenote, il y a la vibration dans l'eau. Alors, le périsprit, c'est la chaudière, l'eau, c'est les mémoires volatiles, et le petit bateau dessus, c'est l'ego. Alors, quand l'eau bouge, le bateau se promène. Bon, on appelle ça une manipulation. Mais ici, au lieu d'être dans une chaudière de toile ou de plastique, elle est dans une chaudière de bois. Quand on va pétinoter, ça va être plus dur. Avant, je ne pourrais pas créer le même remous. Plus l'enveloppe est épaisse, plus ce qui pénètre, plus ce qui provient de l'extérieur a de la difficulté à faire bouger l'enveloppe, ce qui induit une petite résonance dans l'âme et la personne est moins manipulable. L'hypnotiseur, qu'est-ce qu'il fait, l'hypnotiseur? Il fait monter les personnes sur une scène, il leur fait placer les mains en croix, et puis là, il fait 3-4 magris en avant, il parle extrêmement fort, avec des gros haut-parleurs, parce que c'est de l'énergie vitale qu'il veut communiquer, et il endort certaines personnes. Quelles? Les personnes les plus influençables, parce que les autres sont pas bonnes, ils les retournent dans la salle, sont trop épaisses. Bon. Ceux qui restent sur la scène, ce sont les moins épaisses, les plus influençables, les plus manipulables, ceux qui ont le périsprit le plus mince. Il pourra les hypnotiser, c'est-à-dire que la vibration de sa voix pourra faire suffisamment vibrer l'enveloppe de leur âme pour que l'ego finisse par embarquer dedans les canaux que va déterminer les hypnotiseurs. Bon. Alors, il y a ceci. Manger de l'énergie vitale, cela veut dire permettre à son périsprit de s'épaissir. L'énergie vitale, vous savez, quand on prend une pomme qui est verte et qu'on la met sur une table, après 2-3 jours, 2-3, 4-5, 6 jours, elle va devenir rouge. Les bananes, elles sont jaunes. Et une banane, c'est digérable, digestible, seulement quand c'est presque noir. Alors, on met la banane sur la table et puis lentement, elle mûrit. Elle a à l'intérieur d'elle de la vie. Et c'est cette vie que l'humain doit absorber. Alors, il mange la pomme, la banane, le fruit, le céleri. Et l'énergie vitale, ça s'assimile quasiment exclusivement par la bouche. D'où l'importance de manger lentement. Et l'eau est un grand conducteur d'énergie vitale, de l'importance de saliver ce que nous mangeons. Parce que c'est pas dur pour l'estomac quand on mange pas. Plus on y envoie de gros morceaux, plus l'estomac travaille, on tient en forme. Quand vous bouffez de la viande, avalez-la, comme un chien. Le chien va jamais de problème d'estomac puis de brûlement. C'est pas ça qui crée les brûlements d'estomac. C'est la nervosité. C'est l'ego qui tête de l'énergie vitale au niveau des accès à l'énergie vitale. En l'occurrence, le système digestif. Mais, c'est surtout par la bouche que cela s'assimile. Comme celui qui boit un jus, il doit mastiquer son jus. Et quand on boit un jus frais, qu'on vient de faire, on doit le mastiquer. C'est-à-dire prendre le temps d'absorber son énergie vitale par la bouche. Alors donc, la personne, elle doit épaissir son corps séraphique et elle doit arrêter de perdre de l'énergie et elle doit commencer immédiatement à programmer son ego qu'elle n'est plus manipulable par cela. Elle le sera encore un bout de temps, mais elle doit programmer son ego que c'est fini. Et à court, moyen ou long terme, elle aura gagné. Je prends du temps pour expliquer cela parce que ça peut répondre à énormément de problématiques que certains humains ont, ici ou ceux qui vont aussi écouter les conférences sur cassette, mais ça reste toujours la même solution. Et c'est ce qui nous permet de devenir un peu plus notre seul maître. Comment constituer son double éthérique? J'ai fait des conférences complètes sur le double éthérique, la fusion avec le double éthérique. Et pour le constituer, on peut se référer à une conférence qui est « Comment survivre à sa mort ». Autrement dit, comment constituer son double éthérique. Ce sera la meilleure chose. Un petit résumé bénin, plus l'être humain s'en égoïse, plus il crée son double éthérique. Mais la meilleure chose, c'est de se référer à cette conférence, on en parle pendant une heure de temps. Avec la gueule que j'ai, on en parle beaucoup. Ici, j'ai trois questions. Faire appel à l'énergie divine et percevoir des réponses. Est-ce de la télépathie? Faire appel à de l'énergie divine et percevoir des réponses, c'est de la religion, c'est-à-dire c'est de la théologie, c'est-à-dire que l'individu se met en contact avec un égrégore du monde de la mort, un égrégore qui est arché-constitué, un égrégore qui est arché-typé, c'est-à-dire un égrégore qui provient de très loin dans le passé. Et cet égrégore a suffisamment de sagesse en expérience mémorielle pour pouvoir communiquer avec l'humain et pour pouvoir communiquer à l'humain certaines conditions qui peuvent s'avérer vraies, mais qui peuvent aussi s'avérer fausses. Dans le début, normalement, un égrégore communique avec l'homme de façon à ce que l'homme découvre des vérités. Assez rapidement, l'égrégore va demander à l'homme, avec lequel il a le contact, des compromis, des servitudes. Il va commencer par lui dire de ne plus faire telle chose ou de... Enfin, lentement, pas trop vite, il commence à obliger l'humain à être l'esclave. C'est très, très, très subtil dans le début et au fur et à mesure que l'humain accepte une chose, pour avoir un nouveau contact, il devra faire une nouvelle chose. Et lentement, il devient assujetti à l'égrégore, parce que les égrégores du monde de la mort, là où l'homme a créé les dieux à son image et à sa ressemblance, sont des égrégores égoïsés qui ont besoin d'une nourriture pour pouvoir vivre. Cette nourriture provient de la prière et de la souffrance de l'homme. et elle s'arrange pour que l'homme soit asservi à le prier. C'est pourquoi tout égrégore religieux de puissance minimale en grimpant demande obligatoirement à ses fidèles de convertir. Plus il y aura de monde qui vont nourrir le même égrégore, plus celui-ci prendra de puissance et sera mieux. Alors, ça répond à la question, ce n'est pas de la téléphatie, c'est un contact avec le monde de la mort, un contact qui est plus conscient que les contacts habituels, même si l'homme est en perpétuel contact avec le monde de la mort, parce qu'il y a des entités réincarnatives qui se réincarnent continuellement chez lui, 24 heures sur 24, tout au long de sa vie. Ce qui l'assujettit. L'ajusteur de pensée est-il télépathe? L'ajusteur de pensée est effectivement un phénomène télépathe qui a en plus la possibilité d'entrer en télépathie avec l'interpréteur actionnel, obligeant. L'interpréteur rationnel, c'est la phénoménologie énergétique, c'est-à-dire c'est la consistance subatomique qui permet la mémorisation des neurones, c'est-à-dire que c'est l'énergie atomique qui permet la constitution du système neuronique de l'homme. L'interpréteur rationnel permet d'interpréter la pensée et de la transmuer dans une gestion corporelle. Autrement dit, lorsque l'homme a soif, il pense « j'ai soif ». Et l'interpréteur rationnel, par programmation, apprend à « OK, t'as soif », il tourne les yeux à la recherche de l'eau. L'homme n'a pas pensé à quel muscle contracter. Et il tend le bras, alors il contracte une panoplie de muscles, prend la chose ici, l'amène là, pendant que la pensée peut vaguer d'autres choses. La pensée n'a aucune puissance sans l'interpréteur rationnel. C'est pourquoi lorsque l'homme pense « crime, faudrait que je bouge mon oreille », l'oreille ne bouge pas. La pensée n'a aucune puissance. Comme l'interpréteur rationnel n'a pas appris à contrôler l'oreille, nécessairement celle-ci ne bouge pas. Et ce n'est pas question de muscles, parce que le réflexe ou l'anti-réflexe est relié à l'interpréteur rationnel. De temps en temps, le double éthérique entre en contact télépathique avec l'interpréteur rationnel de façon à obliger celui-ci à contrôler le centre laryngé de l'homme, qui est l'interpréteur biologique de la pensée dans la parole par le contrôle du système respiratoire, de la langue, des joues et des cordes vocales. Alors, l'ajusteur de pensée va être capable d'obliger tout le système phonique à être assujetti à la communication de l'énergie de l'esprit, l'énergie supramentale, outre en passant par-dessus le phénomène qui, normalement, permet à la pensée, donc à l'ego, d'entrer en contact avec son centre laryngé. Cela permet d'avoir une parole juste qui, par les oreilles de l'ego, vont instruire celui-ci d'une pensée juste. Qui est beaucoup plus fort que la pensée positive, on l'a déjà vu. La radiesthésie est-elle du domaine de la télépathie? La radiesthésie est du domaine, premièrement, de la télépathie. Si l'on pose une question reliée à quelqu'un d'autre, elle est du domaine de l'affinité avec le monde de la mort, un peu comme la première question en ce qui concerne les divinités. Si on pose une question qui a rapport à un événement, alors est-ce que telle chose va arriver? Si, dans le monde de la mort, l'extrapolation de toutes les conditions expérimentées sur la planète permettent de penser que cela peut arriver, le pendule répondra oui, nord-sud par exemple. Si la possibilité que ce futur possible n'existe pas, le pendule répondra est-ouest par exemple, non. Maintenant évidemment, le pendule, le radiesthésiste peut se tromper. Et il y a une chose intéressante que l'on peut constater souvent lorsque l'on commence à travailler avec la radiesthésie, puisque la radiesthésie, c'est quoi? C'est un instrument qu'un jour on doit faire transformer en fronde et lancer loin dans le champ. Bon. La radiesthésie, c'est un amplificateur de l'intuition de l'homme transmis dans l'inconscient par l'interpréteur rationnel dans le corps physique de l'homme. Étant donné que la conscience de l'homme n'a pas conscience de ce qu'elle perçoit, elle peut poser une question. La réponse, l'inconscient va le chercher dans l'inconscient collectif, ce que moi j'appelle la conscience collective, le monde de la mort, l'astral. Alors, lorsque cela a été cherché, l'humain n'est pas programmé encore pour pouvoir comprendre la réponse, mais le corps physique l'exprime. Tellement insensiblement qu'en plaçant un pendule, on amplifie des choses. Alors, on peut décider que le oui sera comme ça, que le non sera comme ça, que le peut-être sera comme ça. On s'amuse. Bon. Et on décide d'une chose, donc on accepte une programmation et ça se met à fonctionner. Mais bien souvent, premièrement, c'est un outil matériel qui oblige l'humain à ne pas se servir de ses propres facultés et, comme d'habitude, à se servir d'un phénomène matériel pour suppléer à ce qu'il pourrait faire à un moment donné. Autre chose, c'est qu'à un moment donné, l'ego va répondre, le pendule va répondre et il se peut qu'un jour il réponde tout à fait l'inverse, continuel de ce qu'on va lui demander. L'humain travaille souvent contre lui. Alors, dépendant des radiesthésistes, là, ça peut fonctionner. Chose certaine, c'est que la radiesthésie fonctionne suffisamment pour que Petro-Canada, ainsi que Shell et Gulf, se servent de radiesthésistes et de sourciers pour détecter les puits de pétrole d'un avion lorsqu'ils font de la recherche. Quand le sorcier, là, quand le pauvre cave va détecter quelque chose, là, on lui donne son 50$, on envoie des prospecteurs au sol. Et bien souvent, ils confirment, et puis là, on creuse, parce qu'on, les prospecteurs ne se promènent pas à pied à travers le Canada au complet. Surtout pas dans le territoire du Nord-Ouest. Dans un endroit touristique où les gens laissent leurs cartes d'affaires, vous pigez par hasard pour vous amuser parmi les centaines de cartes, celle de votre mari qui habite à 150 000 $, et cela sans avoir pensé à lui. Comment expliquer ce hasard ou phénomène? Bon. Alors, ce phénomène provient d'une chose qui est relativement intéressante. Enfin, il peut provenir de deux phénomènes qui sont naturels chez l'homme, et développés chez l'homme parce que l'humain a tellement... L'humain, regardez ceci. L'humain, lorsqu'il vient au monde, il ne peut pas tout apprendre en même temps. Nécessairement, il apprendra une chose après l'autre. Apprenant les choses, il les mémorise. Et plus il mémorise une chose après l'autre, plus il fait référence à ce qu'il a mémorisé, refusant le neuf. Alors, plus il vieillit, plus il se rapproche d'une finalité d'apprentissage. Et là, il y a des choses, tu sais, là, il connaît. C'est les extraterrestres, il l'a vu à 5 ans, ça existe. S'il ne l'a pas vu avant 30 ans, il va douter énormément. Le cube berlandisme, c'est la faculté qu'a l'homme de trouver ce qui est caché. Et il y a aussi une forme de psychonomie qui permet à l'humain de comprendre en prenant. D'ailleurs, c'est pourquoi je demande à la personne qui m'interviewe de me remettre les papiers, parce qu'en touchant le papier, j'ai une idée de la vibration de la personne, ce qui me permet de répondre souvent plus en infinité avec ce qu'elle a besoin. Pas nécessairement ce qu'elle pose comme question, mais ce qu'elle a besoin. Alors, en fouillant dans le paquet de cartes, la personne, vibratoirement, va nécessairement, inconsciemment, aller chercher celle qui l'attirait. Trouve ce qui est caché et aussi apprend à lire les choses pour aller chercher son mari dans l'inconscient. C'est ce qui explique le phénomène. Ce n'est pas de la télépathie, mais c'est très intéressant. Surtout quand on est perdu dans le bois. Pourquoi se chercher? Autant marcher dans une place. Tant qu'à choisir à travers les places, autant choisir la bonne. C'est logique. Quand j'étais jeune, je regardais à travers la porte de ma chambre et je voyais l'autre côté. Et je me suis dit, je peux imaginer n'importe quoi. Pourquoi ne pas imaginer ce qui est là-bas? Ben, imaginer la réalité. Fait qu'à imaginer un paquet de mensonges, autant imaginer la réalité. Et puis ça marche. Bon, il faut que l'ego l'accepte. Alors, ce qui arrive à la personne, c'est qu'elle a fait une chose qui est correcte. J'ai parlé par télépathie toute la soirée et le phénomène ne s'est jamais reproduit. Pourquoi? Bien souvent, ce qui arrive, c'est que l'ego expérimentant un phénomène neuf ou un phénomène plus ou moins neuf, il devient barbouillé d'enthousiasme. Lorsque l'ego est content d'une chose ou lorsque l'ego a bien mémorisé une chose, il oblige l'humain qui est programmé encore à faire référence à sa mémoire, à fouiller dans la mémoire pour établir une chose. Et dans la mémoire, c'est mort. Qu'est-ce qui a permis le contact? C'est quelque chose de vivant qui n'est pas nécessairement dans la mémoire morte. Alors, on recherche la technique et ça ne marche pas. Et il y a autre chose, l'ego voulant tellement que ça arrive, place un peu d'émotion, et cette émotion qu'il place, elle est empêchante, et elle n'était pas là lorsque le contact s'est établi. Donc, le contact ne peut pas être établi parce qu'il y a un élément de trop, l'émotion de l'ego qui désire le contact. Il faut faire attention, il y a toujours la partie de l'ego qui s'exprime dans l'inconscient de l'homme par le biais de l'interpréteur actionnel, la partie chérubinique de type yin, et il y a la conscience de l'homme qui s'exprime par l'interpréteur actionnel dans le corps physique par la partie chérubinique de type yang. Il y a donc une expression interpréteur actionnel consciente qui s'exprime par la voie neuronique du cerveau. Et il y a une partie inconsciente qui s'exprime par la voie du système endocrinien. Les glandes endocrines. Alors donc, la personne, elle peut avoir un empêchement quelconque relié à cette mécanicité de l'expérimentation par l'ego. Il y a énormément de mystiques qui ont eu des contacts, des illuminations, une, deux, trois fois dans leur vie. Quand il avait oublié qu'il ne croyait plus, il en avait un autre. Mais tant qu'il voulait, il ne l'avait pas. Parce que quand ils l'ont eu, c'était paf! Maintenant qu'ils veulent, il y a une chose de plus, l'émotion, le vouloir. Ici, j'ai deux questions. Pourquoi, lors du dernier repas, le Nazaréen s'est-il ceint d'un linge pour ensuite, avec ce dernier, laver les pieds de ses disciples? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en se ceignant d'un linge, le linge était fait de tissu naturel à l'époque. Aujourd'hui, ce serait plus compliqué à trouver, mais enfin. Et sans se vêtant de ce tissu, enfin, sans servant sur lui-même, il absorbe énormément de vibrations d'énergie vitale. Donc, il absorbe une partie de son corps éthérique en constitution, son dôme éthérique. L'avant, donc frottant les pieds des apôtres, par la suite, il aurait pu aussi bien leur frotter les mains. L'énergie vitale de l'homme s'exprime, donc se transmet et se reçoit, surtout par le regard, la voix, les mains et les pieds. Alors, à l'insu des apôtres, il leur a simplement, il les a placés un peu plus sur la vibration du Nazaréen, permettant aux apôtres de comprendre une logistique évidente, celle de la crucifixion. Parce que si les apôtres, et les apôtres ne pouvaient le comprendre, d'ailleurs, Pierre était le plus bouché, c'est d'ailleurs celui qui avait les pieds les plus sales, et Pierre, ne pouvant pas comprendre la logistique de la crucifixion, comme les autres apôtres, c'était essentiel pour le Nazaréen de finir sur la croix, de façon à libérer l'ego de Jésus et de façon, lui, à percevoir, à pénétrer le monde de la mort, ce qu'on appelait un retour aux enfers. Enfin, j'en ai déjà parlé, on pourra revenir aussi dans ce que le Christ n'a pas dit, entre autres. Alors, lorsque cela s'est fait, lorsque les apôtres ont reçu suffisamment d'énergie par le biais des pieds de l'intelligence vibratoire du Nazaréen, ils ont, non pas compris, mais ils étaient suffisamment vibratoires pour accepter que le Nazaréen ait se fait crucifier. Judas ne s'est pas fait laver les pieds. Et Judas était le meilleur apôtre du Nazaréen et c'était celui qui devait permettre aux Romains de l'amener à la croix. Et Judas, n'ayant pas eu ce privilège, il a douté encore plus que Pierre. Et il a trahi le Nazaréen en vendant Melchisédek aux Romains. Ce qui a obligé le Nazaréen d'aller devant les Romains et de leur dire que c'était lui. Alors là, on a amené le Nazaréen. Et Judas, voyant ce problème, a sacré son camp dans le bois. Et Melchisédek s'est pendu. Alors, pourquoi il a fait ça? C'était pour empêcher tous ses apôtres de taper des Romains. Que joue aux Gaulois. Pourquoi le phénomène marial à Medjugorje se déroule-t-il depuis si longtemps? N'est-ce qu'un phénomène purement égrégorien? Tout phénomène marial est égrégorien et il se déroule dans une région tant qu'il y a les récepteurs spécifiques de cette entité mariale présents dans la région. Tant qu'on aura les enfants ou tant qu'on aura les personnes simples, les premiers qui l'auront vu, l'entité mariale pourra revenir là. Tant qu'on n'aura pas bâti un culte complet à la région, parce que j'ai déjà expliqué à un moment donné que les phénomènes d'apparition demandaient toujours, et surtout les apparitions mariales, demandaient toujours aux humains en contact avec l'apparition de bâtir un autel, de se repentir, de prier et de demander au monde de prier. C'est normal parce que l'apparition mariale est un envoi d'un égrégore qui oblige ou qui veut culpabiliser l'humain à prier un peu plus ce Dieu qui en a besoin. Bon. Pourquoi elle dure si longtemps? Parce que présentement, il y a certaines conditions qui ne sont pas complétées. Il n'y a pas le culte convenable pour cette apparition mariale, parce que Notre-Dame, Marie, lorsqu'elle apparaît, ce n'est jamais la même Marie, c'est des Maries différentes. Alors, on peut avoir Notre-Dame de Lourdes, on peut avoir Notre-Dame de Fatima, on peut avoir Notre-Dame de Guadeloupe, on peut avoir Notre-Dame d'un paquet d'autres places. Ce ne sont pas les mêmes vierges, parce que si on prie une plutôt que l'autre, on aura des résultats différents. Alors, l'apparition vient manipuler l'humain, et il y a encore des conditions qui ne sont pas accomplies, et ce sera de plus en plus difficile aux apparitions mariales actuelles de finaliser leur accomplissement, parce qu'il y a de plus en plus d'intelligence supramentale sur la planète qui manipule le mental de plus en plus d'humains, qui manipule l'astral de plus en plus d'humains, ce qui nuit un peu. Quelles sont ces conditions à compléter? Je ne les dis pas, parce que lorsque l'on parle, l'astral est au courant, et ce n'est pas nécessaire que l'astral soit au courant. Elle le découvrira elle-même, en temps et lieu. Tu dis que la télépathie est instantanée, donc vibratoire, et que s'il y a une tare génétique, ça peut ne pas fonctionner. Alors, quelle est la relation entre l'énergie vibratoire et le cerveau versus la génétique? Bon, ce qui est très important de comprendre, c'est que la tare génétique peut empêcher une télépathie au niveau de la conscience neuronique. C'est-à-dire que toute personne, même avec une tare physique, une tare génétique, peut vivre cette télépathie biologique qu'on a parlé tout à l'heure. Au niveau neuronique, cela peut être plus compliqué, c'est-à-dire qu'il y a certaines parties du cerveau qui sont reliées à différentes parties de l'âme. Il y a certaines parties du cerveau qui sont reliées exclusivement à un interpréteur actionnel, Yann, chérubinique Yann, les chérubins, enfin, c'est des choses qui appartiennent à l'âme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que selon la constitution neuronique de certains atomes, certains neurones vont vibrer à une forme d'énergie particulière. C'est pourquoi pratiquer une parole juste développe le contact avec l'ajusteur de pensée, c'est-à-dire qu'à la longue, à force de jouer certains jeux ou de prendre conscience de certaines choses, l'humain oblige une partie du cerveau particulier à travailler. Donc, à muter. Comme celui qui fait des mathématiques finit par pouvoir faire des mathématiques. Bon, il développe chez lui une partie de son cerveau à faire certaines choses. L'état, c'est que dans certaines parties, il y a certaines régions du cerveau qui, et ce ne sont pas des régions très localisées, ce sont des régions qui peuvent être plurilocalisées au niveau du cerveau, qui vont avoir la facilité génétique d'entrer en correspondance vibratoire par télépathie avec des entités ou des personnes qui auront une affinité émotive du point de vue de l'ego. Alors, si le cerveau ne peut pas subir ou supporter ce genre de conditions, il n'y aura pas de télépathie de façon instantanée. C'est vibratoire, mais une vibration, qu'est-ce que c'est? Une vibration pourrait s'exprimer dans le corps. On se demande toujours comment... On sait que l'homme peut... je vois de l'eau. C'est amené à mes yeux par les photons, par la lumière. C'est transmis électriquement à mon cerveau. Mais comment, de mon cerveau, ça va à ma conscience? La science s'arrête au niveau du cerveau. Ça crée une dépolarisation neuronique. Ouais, génial. Ils ont raison. Et comment, moi, je le sais? La dépolarisation neuronique, elle engendre un courant électromagnétique, comme dans n'importe quel conducteur électrique. Ce courant électromagnétique, selon la consistance du cheminement neuronique, engendre un champ électromagnétique qui est de l'énergie vitale et qui, lui, vient faire vibrer le périsprit de mon âme, qui engendre dans les mémoires volatiles de mon âme une condition similaire à l'énergie vitale de mes neurones. Alors, je sais. Et quand je pense, j'engendre la même chose, je fais bouger mon périsprit sur une autre facette de mon âme. Ce périsprit bougeant, il crée un champ électromagnétique qui vient perturber des neurones, engendrant une dépolarisation qui fait que je peux parler ou bouger. Alors, si dans mon cerveau, il manque cette partie qui doit vibrer au niveau télépathique avec quelqu'un, mon âme ne sera pas au courant. Il y a autre chose. L'âme exprime. La pensée doit se faire dans un système neuronique. L'âme ne peut pas connaître sa propre pensée si elle n'est pas exprimée. L'âme pense. C'est-à-dire qu'il communique une vibration qu'il ne connaît pas au système des neurones. Dans la tête, elle se met à cheminer, engendrant un champ électromagnétique, relu par l'âme, et là, l'ego sait ce qu'il pensait. Pourquoi penser, il puise le cerveau. Alors, il y a donc, la télépathie se fait au niveau cérébral ou au niveau de l'âme. Au niveau cérébral ou au niveau corporel, télépathie biologique. Au niveau de l'âme, l'âme doit l'exprimer dans une région particulière du cerveau. Si cette région fait défaut, il n'y aura pas de télépathie. C'est dans la minorité des cas. Minorité. Minorité minoritaire. Qu'est-ce qui se passe lorsque ton sang vient chaud au contact d'une autre personne? Lorsque le sang vient chaud au contact d'une autre personne, le sang ne vient pas chaud. Lorsque on sent que le sang vient chaud, c'est qu'au contact d'une autre personne, on s'est fait activer la circulation d'énergie âme, ou bien on l'a têté en énergie âme et on l'aperçoit. Donc, on va nécessairement sentir de la chaleur. Le sang étant un grand conducteur, étant donné que c'est un circulateur de liquide, un grand conducteur d'énergie vitale, on peut avoir l'impression au niveau de capteurs sensoriels spécifiques, thermiques, de ce phénomène de sang chaud. Alors, ou bien la personne engendre un mouvement au niveau de l'énergie yang de notre corps, ou bien on la tête. La télépathie voyage à quelle vitesse? Quelle est sa substance chimique, biologique, antimatière? Bon, la télépathie voyage à une vitesse qui est effectivement illimitée. Quand je parle d'instantané, c'est dans une référence de l'électronique. La télépathie voyage à approximativement 299 755 km à la seconde. Bon, la télépathie voyage à une vitesse similaire à celle de la lumière parce qu'elle est une onde vibratoire qui est régie dans sa circulation par les mêmes phénoménologies que la lumière ou les ondes hertziennes, enfin ce que nous connaissons au niveau de la radio, de ces choses-là. Sa substance chimique, biologique et antimatière. Là, bon, on va laisser faire la substance antimatière qui permet sa correspondance matérielle parce que déjà là, on va perdre même les astrophysiciens. Bon. La substance chimique. La substance chimique de la télépathie, elle est constituée à l'intérieur du réceptacle et de l'émetteur. Parce que c'est un phénomène qui va être transmis, ils ont lu et exprimé et expérimenté par l'âme qu'à la condition qu'une partie cérébrale puisse la vivre. On parle de constitution chimique, on peut parler d'azote, on peut parler d'oxygène, d'hydrogène. On aura besoin évidemment de supporteurs énergétiques vitaux pour pouvoir permettre une transmission convenable. Le meilleur supporteur de cette énergie vitale va être certains dextrose, certains sucres donc, et l'oxygène. Au niveau énergétique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différentes formes de lumière. Il y a de la lumière qu'on ne voit pas, infra, comme infrarouge. Il y a de la lumière qu'on ne voit plus, ultra, comme ultraviolet. Il y a de la lumière encore plus haute qui peut... On appelle plus ça la lumière, mais ça fait partie du même spectre. D'ondes hertziennes. Alors, on parle des ondes de télévision, on parle des ondes radio, on peut parler des micro-ondes qui vont aussi très rapidement. On parle donc d'une forme de lumière. Plus on va augmenter la vitesse vibratoire de ces choses, plus on se rapproche du phénomène de la pensée. L'électroencéphalogramme peut lire la correspondance de la pensée dans le cheminement de dépolarisation neuronique chez l'homme. Et il fait des diagrammes. On peut aller plus loin, on n'a pas encore d'appareils suffisamment sophistiqués pour les détecter. Quand on parle d'ondes au niveau télépathique, c'est presque instantané pour la simple raison que, vu la distance qui nous sépare, à 300 000 km à la seconde, cela veut dire que ça peut faire 500 fois Montréal-Chicoutimi en dedans d'une seconde. Alors, la personne qui est à Chicoutimi, elle va recevoir presque instantanément, c'est-à-dire que ça va prendre 1/1 de seconde pour qu'elle sache ce que je sais. Alors, entre vous et moi, on peut se contenter du mot instantané, même si c'est tout à fait faux. Si je parle à Alpha du Centaure, ça va prendre presque 4,3 années-lumière avant qu'il le sache. Là, on sait que c'est plus instantané. Bon. J'ai plusieurs questions ici. Il y a des personnes plus anégoïsées que d'autres. De quoi ça dépend? L'anégoïsation dépend premièrement de l'égoïsation, c'est-à-dire de son phénomène d'éducation. Deuxièmement, cela va dépendre des personnalités réincarnatives qui l'ont constitué dès sa fécondation, aller jusqu'à l'âge de la fusion des personnalités réincarnatives, l'adolescence. Troisièmement, cela dépend aussi de l'onde de forme que l'humain dégage. Parce que ça se réincarne régulièrement chez lui, s'il a une onde de forme qui attire des personnalités particulières, ces personnalités, si elles sont plus anégoïques, se réincarneront et ne nuiront pas trop à l'égocité de l'homme. Et il y a autre chose, évidemment, c'est le travail que l'humain fait sur lui, c'est-à-dire plus l'humain tend à ne pas se prendre au sérieux dans la vie, plus l'humain s'anégoïse. Plus l'humain tend à vivre sérieusement, plus l'humain s'anégoïse. Ça dépend de quoi? Ça dépend d'autre, mais pas quelque chose. Et évidemment, on ne peut pas dire que moi, je suis malchanceux, moi, je suis égoïque. Vous êtes bâti comme vous êtes bâti. Et à partir de l'adolescence, l'homme a comme fonction d'apprendre à asservir les véhicules qui le constituent. Ces véhicules sont constitués de corps physique, de corps vital, la vie, de corps astral, de réincarnation, de psychologie, de corps mental, de logiférateurs sur les mémoires expérientielles. Et il y a une spontanéité. On peut appeler l'esprit le plan supramental, enfin, comme on voudra. Bon. Ce phénomène nous permet de savoir que nous existons sans avoir à l'apprendre. Ce phénomène nous permet aussi de temps en temps de savoir que nous savons sans avoir à l'apprendre. Et maintenant, on doit faire le travail. Le corps que vous avez, les corps que vous avez, s'arranger maintenant pour les parfaire en fonction d'une logistique, d'une conséquentialité, d'une intelligence. Oui, mais je ne reconnais pas l'intelligence, je ne suis pas en contact avec, ça ne change rien. Prenez une feuille de papier, prenez un ordinateur, mathématisez, intelligencez les choses, et l'être humain, c'est toujours ce qui est bon pour lui. Même celui qui ne sait pas, il sait ce qui est bon pour lui. Quand un humain s'écrase, l'humain qui est malade, l'humain qui a un problème, l'humain, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, maudit, j'aurais donc dû. Voilà. Puis s'il te demande, le savais-tu? Y a-t-il déjà pensé? Oui. Et bien souvent, on sait qu'on ne doit pas faire une chose, mais on ne veut pas savoir qu'on le sait. Alors, il y a toujours ce contact avec l'intelligence instantanée. Et puis, l'humain doit développer une discipline. L'humain doit faire certaines choses. De toute façon, ce que vous faites présentement à travers vos vies, jour après jour, heure après heure, c'est ce que vous devez faire. Et la personne qui dit « Oui, mais moi, je suis écœuré. » Parfait, c'est en plein ça. Sois écœuré. Et quand elle sera écœurée d'être écœurée, ça ne s'apprend pas, ça se vit. Les choses vont changer. Pourrais-tu définir psycho-pseudominal? Bon, c'est un terme intéressant qui allie trois étymologies. Alors, psycho, âme, pseudo, semblant, nominal, inconscient, normalement. Contact, inconscient. Alors, si on veut déterminer, évidemment, il faut bien faire attention parce que lorsque le terme est employé par certains individus, il désigne certaines choses, par d'autres choses. Quand je parle d'ego, j'ai une définition qui est suffisamment grande, suffisamment, disons, acceptée socialement ou psychologiquement, mais de temps en temps, on a encore des psychologues ou des psychothérapeutes ou des psychiatres qui ont une autre opinion de l'ego. Psycho-pseudominal pourrait vouloir dire quelque chose qui est comme communiqué à l'humain, mais d'une façon illusoire, c'est-à-dire que l'humain sait lui-même certaines choses et on va travailler chez lui pour que l'humain ait l'impression d'apprendre de moi, alors que ce qu'il apprend de moi sera ce qu'il savait déjà. Il y a énormément de tireurs de cartes qui se servent de ce phénomène, c'est-à-dire qu'ils ne vous enseignent rien, ils vous font parler, puis après ça, ils vous tirent aux cartes et ils vous redisent, en d'autres mots, ce que vous leur avez dit. Il y a une question, deux autres questions aussi, là, un instant. Le destin est-il tout tracé d'avance, quoi que l'on fasse? L'homme n'a pas de libre arbitre. Est-ce qu'il y a présentement des personnes qui ont atteint le niveau atmique? C'est en train de se faire. La première personne qui l'atteindra de son vivant et qui restera vivante va presque achever ce phénomène en 1987. Et ce n'est pas moi. La deuxième personne le fera sans doute en 88. Possiblement. Ah, il y a une autre question. Hein? Non, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a présentement des personnes... Pourquoi je repose le papier? C'est parce que ça me permet de répondre selon ma propre... Hein? Est-ce qu'il y a présentement des... Ouais, voilà, j'ai répondu. Non, je radote. Vas-y. En télépathie, si la personne est devant nous ou à distance, est-ce le même phénomène de perception? Plus la personne est proche de nous, si on veut consciemment télépathiser, c'est compliqué parce que la voyante va vérifier sa conscience. Si elle perçoit, émotivement, on risque de tout troubler. Mais la distance n'a pas d'importance. Ça marche pour Bell Canada, imaginez-vous que la télépathie. Hein? J'ai eu une pensée télépathique qui s'est produite 6 mois plus tard. Comment expliquer ça? C'est un contact avec l'extrapolation du monde de la mort. C'est-à-dire que dans le monde de la mort, il y a différents égrégores minables, mineurs, qui peuvent être appelés des futurs possibles. Il y a une personne qui va régulièrement faire certaines choses. Il y a des conditions qui se répètent régulièrement. Et il y a toi qui vis certaines conditions. Un ordinateur, c'est toute l'information, peut prévoir les probabilités futurales d'un événement. Eh bien, le monde de la mort fait la même chose. Et à un moment donné, on a un contact avec le monde de la mort, c'est une intuition, une voyance. Il y a des chances que ça arrive, et il y a des chances que ça n'arrive pas. Quand ça arrive, eh bien voilà ce qui s'est passé. Ce n'est pas prévoir l'avenir, c'est prévoir le passé. C'est déjà prévu dans le passé, mais le temps matériel étant beaucoup plus long, même si c'est arrivé au niveau du plan astral, le temps matériel étant plus long, c'est compliqué. C'est comme lorsqu'on dit, « Hey, là, je viens de casser mon pot. Le pot de mon mari, il va chialer quand il va rentrer. » C'est une prédiction. Mais pourquoi vous pouvez extrapoler cela? Parce que vous avez suffisamment de données pour comprendre que, vu qu'il est colérique, vu qu'il est chialeux, vu qu'il tient bien gros, vu qu'il est fatigué quand il arrive, ben, 3 plus 3 donnant 6, il devrait chialer en arrivant. Il y a des fortes chances que ça arrive. Mais ça peut ne pas arriver. Au niveau d'énormément de conditions ou d'éléments ou d'informations, de données, de data, l'homme n'a pas suffisamment encore de logistique, n'a pas développé encore suffisamment son cerveau, il n'est pas prescient. Il ne peut donc pas encore envisager des futurs possibles et travailler avec ceux qui sont les plus agréables pour lui. Alors, il peut avoir une intuition astrale qui peut lui révéler certaines choses qui peuvent arriver et qui peuvent aussi ne pas arriver. Donc, il prévoit le passé, mais dans la matière, ce n'est pas encore arrivé. Peut-on être présent, attentif à ce que l'on vit et en même temps être perceptible, avoir la perception de notre existence à des milles de distance d'une façon réciproque et simultanée? Oui. Si deux personnes sont en correspondance dans l'astral sans vivre ensemble, se peut-il qu'elles communiquent encore plus que deux autres personnes qui ne sont plus en correspondance que parce qu'elles vivent ensemble alors qu'elles ne l'étaient pas au départ? Oui. Pourquoi? Pour la simple raison que deux personnes qui se connaissent finissent souvent par développer une guerre d'ego. Deux personnes qui vivent ensemble. Tandis que d'autres qui ne vivent pas ensemble, la mémoire étant ce qu'elle est, les parties les plus basses de la mémoire d'une chose sont dégradées en énergie vitale. On oublie donc les mauvais côtés plus souvent et plus vite que les bons côtés, ce qui fait qu'il reste le bon vieux temps. Et même inconsciemment, si on a connu une personne qui maintenant est loin, le bon vieux temps émotif nous met en relation plus facilement que le mauvais bon temps aujourd'hui, avec la personne à qui on vit. Donc, effectivement. Quelle différence y a-t-il entre le double et un être quelconque dans l'invisible? Bon, le double éthérique est une constitution énergétique créée par l'écrasement de l'ego par le contact supramental. Lorsque l'esprit vient atterrir dans l'homme, il expulse l'âme. L'âme est un ennemi par rapport à l'esprit, même si l'âme permet la création du corps mental, qui sera le salut chez l'homme. Donc, l'âme est essentielle. Tant que l'humain n'est pas suffisamment en phase d'ascension pour entrer en contact avec son esprit. Lorsque l'esprit descend, il vient allégoriser l'âme, c'est-à-dire qu'il oblige l'ego à manger des claques. On appelle ça briser des formes. Ça brise chez l'ego certaines choses, et l'énergie de l'ego qui est démolie, elle est rabaissée en vibration, elle devient de l'énergie vitale. Cette énergie vitale, de premier abord, va guérir le corps physique, deuxièmement, va guérir les voisins, c'est ce qui est arrivé chez le notarien, et troisièmement, va lentement créer dans le plan moronciel le monde de la vie sans corps physique, entre le monde de la vie matérielle et le monde de la mort, Comment survivre à sa mort, on en parle suffisamment. Cela engendre une réplique énergétique exacte de la condition expérientielle qui habite le corps physique, autrement dit de l'homme. Sans l'ego, sans les mémoires volatiles, sans les mémoires expérientielles, donc sans les conditions de jalousie, de haine, de désir, d'ignorance, de ceci ou de cela. Créant le double éthérique, cela crée un réceptacle. Le double éthérique va être quelque chose qui peut par la suite être fusionné au corps physique, engendrant un corps de lumière, ce que le Nazaréen a aussi exprimé lorsqu'il s'est représenté devant les apôtres. Un être quelconque dans l'invisible, c'est autre chose. Premièrement, l'invisible, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Nécessairement, c'est dangereux. Alors, dans l'invisible, on peut rencontrer des gourous, des maîtres, des vishous, des ceci, des cela. Ces personnages proviennent du monde de la mort, ils ont un besoin de l'homme, et l'homme peut avoir un besoin d'eux. Mais il y a toujours un danger. S'ils vous montent à un niveau particulier, à un moment donné, ils vous empêcheront d'aller plus loin. Mais eux ne peuvent pas monter parce qu'ils n'ont pas de corps physique pour évoluer. Et l'évolution ne se fait que dans un corps de matière. C'est pourquoi l'humain en a un, même s'il est problématique, même s'il est chien, tout ça. Bon. Et c'est pourquoi les entités invisibles veulent toujours rentrer en contact avec les vivants. Ils veulent arriver à avoir un peu, à manipuler l'humain pour qu'il fasse des expériences au nom de l'entité d'en haut, ce qui lui donne un peu d'expérience nourrissante. Dans l'invisible aussi, on peut rencontrer des mécanicités, des hiérarchies célestes qui viennent s'efforer sur le plan planétaire, sous forme de divinités, sous forme d'extraterrestres, sous forme de choses dans le genre. Le plus grand problème du mensonge cosmique, c'est la hiérarchie. Dans une conférence sur l'intelligence de la souffrance, j'explique justement pourquoi l'être humain bâtit un monde astral bourré de misère, parce que lorsqu'une hiérarchie recherche l'homme qui est le salut au niveau cosmique ou créationnel, eh bien lorsqu'il pénètre le monde de la mort, il voit rien que la souffrance, ce qui est bien convaincu que c'est pour ici que ça se passe puis ça retourne. Bon. Alors, dans l'invisible, on peut voir des choses, choses certaines. Chaque fois qu'on rencontre un double éthérique, on doit savoir que ce n'est pas un double éthérique. Lorsqu'on rencontre un être de lumière qui a la faculté de devenir aussi matériel que vous et de vous serrer la main, c'est un être de lumière. Mais il faudra qu'il y ait une maudite bonne raison pour apparaître devant vous autres, parce que s'il y a besoin de vous autres, c'est encore une entité charriante. Elle ne se matérialisera pas non plus, elle peut vous le faire croire. Demandez à un double éthérique de casser une fenêtre. Là, c'est à peu près la moyenne plus sûre de savoir qu'il s'est matérialisé et que vous n'avez pas pensé. Approchez-vous pas de la fenêtre avant qu'elle casse. Vous risquez de la casser sans vous en rendre compte. Si un double éthérique est existentiel, il appartient à un être humain, on ne peut pas le voir. Tout ce qui provient du monde de l'invisible et qui apparaît devant l'homme a besoin de l'homme. Alors, elle pourra peut-être servir de vous à la condition qu'elle accepte avant de se mettre à genoux devant vous. Sinon, bottez-y le cul. Ah oui, mais pas assez matériel. Bottez-y le cul énergétiquement, avec la parole. Ça ne doit pas venir chez vous. C'est très intéressant, les phénomènes dans l'invisible. Très, très intéressant. Lorsque ça recherche l'homme, ça recherche une fusion avec l'homme. L'homme doit fusionner ses choses, mais l'homme ne doit jamais se fusionner à ses choses. L'homme doit digérer ses choses, mais il ne doit jamais être digéré par ses choses. L'homme ne doit jamais mixer sa conscience à la conscience des phénomènes de l'invisible. L'homme doit rester son seul maître. C'est très, très, très facile, les paresseux. Les paresseux peuvent vouloir rechercher un contact. Les orgueilleux aussi. Parce que lorsqu'il y aura un contact avec tel maître ou telle entité, bien, ils se croiront supérieurs aux autres, ils auront du pouvoir. Ce sont des orgueilleux. Non, l'homme doit rester son seul maître. Le langage cortex d'une personne bilingue sont à différents endroits dans le lobe temporal. Est-ce que le langage télépathique serait dans un lobe temporel à part? La télépathie rentre par quelle partie de ton corps? Bon. Dans la constitution normale, selon la normalité, donc dans une perception normative des choses, il y a des... Tout à l'heure, je parlais de régions localisées ou plurilocalisées au niveau du cortex cérébral. S'il est bien évident qu'on ne peut pas avoir un centre d'expression orale ou d'interprétation du langage oral de deux langues dans la même place neuronique. Et le phénomène télépathique est aussi placé quelque part dans le cortex. Normalement, un individu aura un cerveau similaire à d'autres cerveaux. Mais ce n'est pas toujours vrai. Le langage télépathique est placé près de l'hippocampe dans la majorité des cas, mais dans l'hippocampe, dans la matière grise, c'est-à-dire dans le système neuronique et non pas dans le système axonique, la matière blanche. Mais d'un individu à l'autre, les choses peuvent changer. Quelle est la relation entre hypnose et télépathie? L'hypnose, c'est du magnétisme. L'hypnose, c'est de la téléphatie. C'est la relation qu'ils ont. On hypnotise toujours en magnétisant autrui. Et la télépathie, c'est lorsqu'une fois qu'on a une relation vibratoire avec quelqu'un, eh bien, ce que l'on veut faire passer, on le passe. On ne le passe pas par la parole. L'hypnotiseur ne passe rien par la parole. Par contre, il parle parce qu'il n'a pas encore appris à apprendre un autre média pour communiquer son intention que par la parole qui communique de l'énergie et qui permet à l'humain d'être en affinité avec. Tu te réveilles. Schnack, c'est le schnack qui le réveille, c'est l'instantanéité de la télépathie. Tout le reste, il est là pour le préparer. Ça prépare autant l'hypnotiseur que l'autre parce que l'hypnotiseur aurait de la difficulté à comprendre qu'il peut se réveiller tout de suite. Je sais, j'ai déjà hypnotisé. Quand j'étais jeune, j'avais un ami qui était une grande gueule. Voyez-vous, c'est peut-être de lui que je tiens, remarquez bien. Mais il tétait, c'était absolument effarant. Alors, on a pratiqué l'hypnose sur lui. Et puis, on l'hypnotisait dans mon garage, et puis on vidait ses poches, puis on allait manger des cochonneries au dépanneur. Puis on revenait, puis lorsqu'on s'ennuyait, on le réveillait. Et on a fait ça peut-être quelques semaines de temps avant de découvrir la loi du karma. On fouillait à l'époque mes paquets de cossins. Et effectivement, bien, on peut le réveiller à 3, à 4, à 5. On peut aussi le réveiller instantanément. À un moment donné, on a eu de la difficulté à le réveiller. Parce qu'il était tellement bien dans le monde où il était qu'il ne voulait pas se réveiller. Alors, il a fallu que je lui dise qu'il ne retournerait jamais plus dans ce monde. Il s'est réveillé tout de suite. On n'a pas besoin de compter. Alors, c'est que ça reste de l'instantanéité au niveau télépathique. Ben, 300 000 km à la seconde, là, entre deux pieds. Faire penser à une autre personne, ce qu'il a oublié de dire, est-ce une transmission de la pensée ou téléphasie? Si l'autre est au courant que vous êtes en contact avec lui, c'est de la télépathie. Si vous le évidemment, si c'est quelque chose qu'il le devait dire, c'est de la télépathie, parce que même si c'est à son insu, il était conscient qu'il devait le dire. Si on lui fait dire quelque chose, c'est de la téléphatie. Si j'ai trois questions, une idée qui se développe se doit-elle de passer par le passé? Une idée qui se développe, si ça dépend encore de l'être humain. Si l'être humain la développe dans sa pensée, oui, ça se développe tout seul, des fois oui, des fois non, dépend encore une fois de l'être humain. Elle peut provenir du neuf, elle peut provenir aussi d'une logifération sur le vieux, donc d'une transmutation du vieux en quelque chose de neuf, mais sans être quelque chose de réellement, réellement neuf. C'est quoi éduquer? Éduquer, c'est donner une discipline. Instruire, c'est permettre à l'humain de devenir son maître. Élever, c'est botter le cul pour qu'il devienne comme nous autres. La confiance en soi peut-elle faciliter la logique? Non. La logique, elle se développe autant chez l'individu qui n'a pas confiance, et s'il n'a pas confiance et s'il est suffisamment astralisé, il va se culpabiliser de ne pas être capable d'appliquer sa logique. Et elle peut se développer aussi chez l'individu qui a confiance en lui. Je n'ai pas confiance en moi. C'est con. Mais c'est déjà une logistique que je suis en train de développer. Donc, ce n'est pas essentiel au développement d'une logistique. Dernière, souvent j'ai l'impression de tout comprendre et je sais que c'est faux. Comment exorciser ce fait sans entrer en guerre avec moi-même? Premièrement, il faut comprendre qu'il y a des individus qui, à un moment donné, vont capter l'énergie qui descend, l'énergie que je capte, en même temps que moi. Et la parole va leur permettre d'assimiler un peu cette énergie. Ils auront l'impression qu'ils comprennent ce que je dis ou encore qu'ils savent déjà ce que je dis. Mais ils le savent seulement lorsqu'ils viennent ici. Ailleurs, ils ne le savent plus. Comment exorciser ce phénomène? Ben, premièrement, ce n'est pas un phénomène dangereux à exorciser. Et lorsqu'un individu égoïquement pense comprendre et par la suite, elle se fait fourrer, se fait charrier, exorciser comment? Petite colère mentale, petite débilité mentale. Mais ce n'est pas quelque chose de dangereux parce que ce n'est pas quelque chose qui assujettit l'humain. Il y a aussi un danger, c'est qu'à un moment donné, par le contact vibratoire, on comprend quelque chose et lorsque le contact est parti, on se rappelle d'avoir compris. On se rappelle des mémoires peut-être qu'on a eues, mais on ne comprend plus. Il n'y a pas d'exercice à faire, le temps va arranger les choses. Est-ce qu'une personne peut voir son propre double ou les doubles des autres? Faire attention, il y a le double éthérique planétaire et il y a le double éthérique supramental. Lorsque nous parlons d'un dédoublement, le double éthérique planétaire va être paramétré par une enveloppe, c'est de l'astral paramétré par une enveloppe vitale. Ce double-là, on peut voir le sien, on peut voir celui des autres. Le double éthérique, le corps de lumière, il ne peut pas être vu que si celui qui a une fusion complète avec baisse sa vibration pour apparaître avec. Des physiciens ont découvert qu'en grossissant plusieurs millions de fois une cellule d'une personne, c'est la personne qu'on voyait. Est-ce à partir de ce fait qu'on peut constituer des dômes ou des clones? C'est exactement cela, c'est-à-dire que tout le code ADNique, l'ADN, l'acide désoxyribonucléique que l'on retrouve dans les nucléoles, dans le noyau des cellules, est l'humain au complet. Et lorsque je parle de cellularisation, cela veut dire que l'évolution que nous vivons est cellularisée, mémorisée à l'intérieur du code de l'ADN de chaque cellule, Et c'est ce qui permet, premièrement, le corps physique est bien bâti. L'évolution est cellularisée en priorité dans les cellules qui peuvent permettre la procréation. De toute façon, permettre à l'enfant d'avoir immédiatement l'évolution de l'adulte. Bien souvent, hélas, on a des enfants trop jeunes, on devrait les avoir plus âgés. Lorsque l'être humain est cellularisé, il transforme son code génétique. C'est une mutation. Lorsque je parle de l'homme nouveau, je parle de mutation. Cela veut dire qu'il pratique une technique pour être en paix, et un jour, la paix lui appartient. Il abandonne la technique et il reste en paix. S'il a un enfant par la suite, en caractère récessif, l'enfant portera la paix. Il peut aussi le porter en caractère dominant. L'enfant sera en paix. Après 3 ou 4 générations d'éducation et d'instruction convenables, les humains de cette lignée seront toujours en paix. Parce que ça sera naturel chez eux, génétique chez eux, la paix. Alors, est-ce qu'à partir de ce fait qu'on peut constituer des clones? Bien oui, le clone, c'est que l'on prend le code génétique d'un individu et on prend une cellule que l'on fait se diviser dans un contexte particulier jusqu'à recréer un être humain qui nécessairement sera la copie conforme de l'autre. Il ne faut pas s'en faire, la science n'y est pas parvenue et elle n'y parviendra pas. Il se fait tard dans nos vies et Dieu ne vient pas. Mais qu'est-ce qu'on nous demande? Mais qu'est-ce qu'on veut de nous? Je suis tenant avec, référez-vous à des conférences que j'ai déjà faites. Il y a le rôle cosmique de l'homme. Qu'est-ce qu'on vient foutre sur cette maudite planète? Tout va pour le mieux dans le pire des mondes. Alors, il se fait tout, il se fait tard dans nos vies, Dieu ne vient pas. C'est normal. Mais qu'est-ce qu'on nous demande? Rien. Mais qu'est-ce qu'on veut de nous? Rien. Pas du point de vue des dieux ou de Dieu. Le Dieu ou les dieux demandent à l'homme de servir ses dieux, c'est-à-dire de nourrir l'homme. Lorsque vous mourrez, vous serez dans leur ciel. Et lorsque vous réincarnerez, vous proviendrez de leur monde. La résurrection, c'est l'accomplissement total de la fusion entre les corps de ceux qui vont rester et de leur dométérique. Mais c'est autre chose. Il y a la réincarnation en attendant. L'homme est sur le plan planétaire pour constituer des véhicules biologiques qui, par la génétique, seront transmis. Donc la vie reste immortelle dans le contexte planétaire. Parce que la vie qui m'habite, c'est la vie que l'homme des cavernes a déjà eue. La forme est disparue. La vie, elle est restée. Et moi, j'ai su profiter de la vie et profiter de la génétique évolutive de ces quelques millions d'années. Et en profitant, j'ai un corps intéressant qui me permet des choses intéressantes. Et dans cette vie, je vais maintenant parfaire le corps pour pouvoir me mettre au monde, ne plus avoir de correspondance génétique avec ma lignée. Je ne proviendrai plus du passé. Je proviendrai de l'instantané. Je serai René. Lorsque on demande qu'est-ce qu'on attend de nous, il y a un phénomène intéressant. C'est que l'intelligence ou l'énergie attend de l'homme le corps. Et pour que le corps soit amené à vivre des conditions qui vont créer l'expérience dans l'ego, qui vont créer la mutation dans le corps permettant l'évolution génétique des corps, jusqu'au jour où le corps sera suffisamment solide pour recevoir de l'esprit, de l'intelligence sans être démoli, en attendant, on a créé l'âme. L'âme qui s'identifie, l'âme qui dit « je et moi » et qui pense avoir un libre-arbitre et qui pense devoir évoluer et qui fuck le chien et qui cherche toute sa vie. Et il est tout à fait manipulé à faire ce que l'on veut qu'il fasse pour que le corps change. Lorsque l'être humain meurt, il est transmis génétiquement. L'expérience de l'âme va dans le monde de la mort. Elle est pluridigérée. Alors, on rejoint ceux qu'on a aimés pour l'éternité. On se fusionne à eux. Et à un moment donné, on va se réincarner dans des corps qui seront sans doute ceux de nos arrières, enfin, des enfants de nos enfants. Alors, on reprend le corps mieux fait et mieux adapté, parce qu'à un moment donné, notre corps est tellement usé, tellement âgé, qu'il devient intelligent de mourir et de renaître. Et on reprend le corps et on continue l'expérience. Maintenant, l'humain va dire, c'est chiant, c'est sacrableux, on est là, nous autres, rien que pour servir de cobaye dans le corps. Autrement dit, on est là pour animer le corps, parce que l'esprit n'est pas capable de l'animer tout seul. Il faut comprendre une chose, c'est que l'esprit, c'est vous. Mais le problème, c'est que le corps est à un point vibratoire tellement bas que vous ne pouvez pas le toucher. Alors vous vous baissez en vibration jusqu'à oublier ce que vous êtes et vous venez d'animer. Et pour ne pas trop oublier, vous créez un archétype, l'âme. Et vous vous identifiez à l'âme et vous bougez le corps selon ce que vous voulez qu'il bouge. Sauf que la question, elle est posée par ce qui est dedans le corps, par l'âme et par l'ego. Elle n'est pas posée par ce qui a créé cela. Alors, lorsque l'humain n'a pas de libre-arbitre, je m'adresse évidemment à l'homme planétarisé, à l'homme terrestrifié. L'être humain est intentionnel. Il ne sait plus pourquoi. Mais il est intentionnel. Son but, son rôle, sa fonction non pas sa mission. Sa mission, c'est une fonction émotive. Sa fonction, c'est de bloquer l'évolution expansive de l'univers. J'en parle dans cette conférence de rôle cosmique de l'homme, on peut s'y référer. Mais une chose certaine, c'est que ce n'est pas de la merde, même si apparemment on vit dans un contexte absolument débile et dégueulasse. Tant qu'on a une conscience nombritique et une perception nombritique des choses, on n'arrive pas à tout saisir. C'est normal que l'homme n'ait pas tout saisi dans l'Antiquité parce qu'il serait carrément viré fou. Alors, lentement, les choses s'éclaircissent. Si on veut en savoir un peu plus, on peut s'y référer. Sinon, à un moment donné, je referai des conférences et on posera des questions sur ce sujet. Chose certaine, c'est que l'homme est le salut des dieux. C'est pourquoi les dieux s'intéressent tant aux hommes. Mais les dieux sont le salut de l'homme. C'est pourquoi l'homme s'intéresse tant aux dieux. Il y a quelque chose qui descend et qui ne veut pas devenir de la matière, mais qui est contraint à baisser en vibration parce qu'il est dans une création spatio-temporelle. Et il y a quelque chose qui est venu au fin fond de la boue et qui remonte. C'est l'homme. L'homme est un être ascendant. Et remontant, il va rechercher l'énergie. Et plus il remonte, plus il arrête l'énergie à un niveau plus haut. Alors, plus il peut comprendre. Mais dans ces énergies, il y a des hiérarchies. Il y a des phénomènes qui descendent, qui se sont identifiés à elles. Et elles recherchent partout dans l'univers l'homme. Le corps qui monte. Parce qu'eux devront faire cela. Alors, se pluguant à l'homme, ils peuvent posséder l'homme. Et là, elles ne descendent plus, elles remontent. Et l'homme capote. C'est pourquoi l'homme ne doit pas accepter aucun contact de disciples avec une hiérarchie quelconque, qu'elle provienne de l'Agartha de Shambhala, qu'elle provienne des maîtres du monde, qu'elle provienne de tout ce que vous voudrez. L'homme doit arriver à déterminer lui-même si ça fait du sens ou pas, à être son seul maître. On a un rôle. Depuis que j'ai compris, il me plaît, le rôle. Je ne peux pas vous communiquer mais ma compréhension, je ne peux communiquer que des paroles, et puis à un moment donné, vous avez aussi une compréhension de votre rôle, et du rôle cosmique de l'homme. Si je n'ai pas d'argent pour le séminaire sur la colère mentale, est-ce que parce que je n'ai pas besoin de le faire? Pas besoin ou parce qu'il n'y a pas le temps. Mais une chose certaine, c'est qu'on a toujours en temps et lieu ce qu'on a besoin d'avoir en temps et lieu. Je rencontre, moi, souvent des jeunes qui sont sur le bien-être social. Ils n'ont jamais d'argent pour s'acheter du linge, pas pour les bottes, pas pour les rilinchous. Ils n'en ont pas! Boy, George, Harry, 55 piastres, sont tout à queue. Ils ont trouvé l'argent. C'est ce qu'ils ont besoin pour l'instant. Je ne m'en fais pas. Ou on n'a pas besoin de le faire, ou on n'est pas prêt à le faire, ou c'est pas le temps qu'on le fasse. Chose certaine, c'est que quand on n'a pas l'argent, le problème est réglé. Quand une personne voit le double éthérique de l'autre, le double de l'autre, est-ce qu'il est dans la même conscience? Bon, quand une personne voit le double de l'autre, il faut faire attention, quand il voit le double de l'autre, il voit le double astral ou le double vital, planétaire de l'autre. Est-ce qu'il est dans la même conscience? Pas nécessairement. Il est dans une conscience localisée au niveau de certaines parties de son cerveau qui sont capables de décoder certaines parties de l'œil qui sont construites pour voir les choses que la partie visuelle, lumineuse de l'œil ne voit pas. Elle voit donc un corps éthérique, vital, planétaire ou un corps astral. Il peut être dans l'autre, il peut être aussi en rêve. Est-ce dangereux quand quelqu'un s'amuse à réveiller une personne qui dort, c'est-à-dire sans lui toucher, par une forme de télépathie? C'est une forme de télépathie. La meilleure chose pour réveiller quelqu'un, normalement, c'est de ne pas la réveiller. Sinon, arrangez-vous pour vous entendre avec elle comment la réveiller. Personne qui se réveille souvent avec son cadran, vous voulez la réveiller, faites sonner son cadran, ça règle le problème. Elle a une programmation moins traumatisante qui la ramène sur le plan de son éveil, simplement par respect pour l'autre. Sinon, je te réveille demain matin, OK, réveillez-la comme vous voudrez, de toute façon, elle sait que vous allez la réveiller, faites ce que vous voudrez, elle est déjà consentante. Quand on est sûr que l'autre vibre à nous, on n'a pas besoin de preuves, c'est un savoir, pas une connaissance. On sait qu'on sait, la télépathie a double sens. Est-ce un savoir? C'est un savoir qui est instantané relativement à la limitation télépathique, mais une chose certaine, c'est de la télépathie. On n'a effectivement pas besoin de l'autre, que l'autre nous le dise. Alors, l'humain a un savoir qui est plus, disons, qui est presque instantané si c'est télépathique. Et comme c'est du point de vue émotif, ce ne peut pas être un savoir instantané du point de vue supramental, parce que ce savoir supramental n'enseigne jamais à l'homme que l'autre est en affinité émotive ou ces choses-là. Par contre, c'est un savoir qui est presque instantané relié à la télépathie. C'est absolument génial. Daniel, est-ce que l'image transmise télépathiquement est la coloration égoïque du contact pur? Aussi, le contact pur peut se faire par l'image aussi. Le contact pur peut se faire par l'image, mais lorsqu'il se fait par l'image, c'est une coloration de l'ego qui essaie ou qui est obligé de prendre une connaissance énergétique, étant donné qu'elle n'a pas suffisamment de subtilité énergétique ou mécanique biologique pour pouvoir conscientiser dans l'ego ou dans le point de vue matériel le contact, elle devra le décoder, donc l'interpréter dans une logistique qui peut être une image et qui peut aussi être une parole. Lorsqu'un humain a un contact parfait avec l'intelligence instantanée, il a accès à tous les points de vue existants en même temps. Cela veut dire qu'il est capable de voir la planète Terre au complet en même temps, quelles que soient les régions, les azimuts de cette planète Terre. Cela veut dire qu'il est capable de savoir instantanément où se trouve chacun des êtres humains de la planète, à quoi il pense, où se trouve chacune des formes matérielles de la planète. Une image ne peut lui permettre de voir cela. L'image sera une interprétation colorée, ajustée par l'interpréteur de pensée, l'ajusteur de pensée, ou par l'ajusteur psychologique, l'intellect, dépendant.